Bonsoir à tous. Merci d'être présents à cette rencontre, conférence sur le siècle d'or, à partir des deux spectacles que nous présentons au Théâtre National Populaire, Don Juan de Tirso de Molina et La Célestine, et mis en scène par Christian Sciaretti. Nous allons, avant de vous passer la parole pour une discussion, vous proposer une mise en perspective générale avec le soutien de Don Juan en personne, Julien Tiffaine, qui ne joue pas ce soir, qui donc nous fait l'amitié d'être présent et qui lira des extraits, non pas de Don Juan, mais d'autres textes qui vont évoquer le siècle d'or. Et je vais commencer par vous proposer une mise en perspective un peu générique. D'où vient ce concept même de siècle d'or? La période qui sépare la Célestine de Don Juan est de plus d'un siècle. La Célestine est écrite en 1499 et Don Juan en 1625. Ce siècle-là n'est pas le siècle d'or. Le siècle d'or, c'est le siècle suivant, c'est le XVIIe siècle espagnol. Et pour vous donner une idée déjà de ce qu'est ce siècle d'or, avant même d'en faire la préhistoire, nous allons entendre un texte tiré d'un roman, Le Capitaine à la Triste, dont vous avez peut-être vu une vague adaptation cinématographique, qui a quelques mérites et quelques défauts. Et vous allez entendre en quoi ce siècle d'or fonctionne aussi par antiphrase. Les miettes du siècle d'or. Si, dans ce demi-siècle ou presque que dura le règne de notre bon et inutile monarque Philippe IV, mal nommé le Grand, les gestes de chevalerie et d'hospitalité, la messe au jour de repos et les promenades avec l'épée bien roide et le ventre bien creux avaient pu remplir les caisses ou permis de nourrir nos armées en Flandre, moi, le capitaine à la triste, les Espagnols en général et la pauvre Espagne tout entière, nous aurions tous connu un autre sort. On a donné le nom de siècle d'or à cette époque infâme, mais le fait est que nous, qui l'avons vécu et en avons souffert, d'or nous n'avons vu miettes et d'argent à peine. Sacrifices stériles, glorieuses déroutes, corruption éhontée, gueuserie et misère, oui, nous en eûmes tout notre soûl. Mais aujourd'hui, on regarde un tableau de Diego Velázquez et on entend quelques vers de Lope de Vega ou de Calderón, on lit un sonnet de Don Francisco de Quevedo et l'on se dit que tous ces sacrifices valurent peut-être la peine. Un siècle d'or artistique, un siècle où l'or est dilapidé. D'où vient l'argent? Question traditionnelle. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à ce foisonnement pictural, littéraire, à ces images qui restent aujourd'hui comme éclatantes, comme celle de Velázquez, comme les Ménines, comme ces pièces de Calderón et comme évidemment le donjon de Tirso? Eh bien, pour le comprendre, on va également entendre un autre texte, celui-là d'Elifort, dans son Histoire de l'art, que vous entendez au début de Pierrot le Fou de Godard, et vous voyez Belmondo dans sa baignoire en train de lire un texte sur la décadence du siècle d'or. Évidemment, la décadence à laquelle pense Godard, c'est aussi la décadence de son propre temps, décadence où l'argent est devenu roi, et avant d'en faire la préhistoire, on va entendre le texte d'Elifort. Le monde où Velázquez vivait était triste. Un roi dégénéré, des enfants malades, des idiots, des nains, des infirmes, quelques pitres monstrueux vêtus en princes qui avaient pour fonction de rire d'eux-mêmes et d'en faire rire des êtres hors la loi vivante, étreints par l'étiquette, le complot, le mensonge, liés par la confession et le remords. Aux portes, l'autodafé, le silence, l'écroulement rapide d'une puissance encore terrible, une terre où pas une âme n'avait le droit de pousser. Qu'importe. Dans un pays, dans une cour où personne, le roi moins que personne, ne pouvait, ne voulait se libérer d'aucune des servitudes imposées par la force du sol et de la foi, il savait seul dominer la fatalité de l'ambiance. Merci. Voici donc ce monde où pas une âme n'a le droit de pousser, l'époque de Philippe IV, où écrit Tirso de Molina. Mais avant d'en arriver là, partons du moment de la Célestine, partons de la fin du Moyen-Âge, 1499, et voyons ce qui va construire la puissance espagnole dont le siècle d'or marquera le déclin. On peut considérer que, autour de 1500, au moment de la Célestine, s'opère une révolution à de très nombreux niveaux qui va redéfinir le monde dans lequel nous vivons encore à de nombreux égards, et dont nos deux pièces vont se faire l'écho. Quelles sont ces ruptures essentielles? Il y a évidemment d'abord la redéfinition du monde. C'est-à-dire qu'avec les grandes découvertes, avec la conquête des Amériques, l'Espagne d'abord, le Portugal ensuite, et les autres pays derrière, accèdent à des ressources considérables. À cet or justement qui sera la base du siècle d'or, à l'Eldorado qui est cherché par les conquistadores, que Claudel montre par exemple dans le soulier de satin, animé par la foi, l'appât du gain ou la fuite de l'Occident, eh bien, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, un monde qui va être absorbé, digéré et qui va permettre à l'Espagne de devenir un empire mondial. Un empire sur lequel le soleil ne se couchera jamais, puisque comme vous le savez, il y aura également des comptoirs de l'autre côté, dans le Pacifique. Et ainsi, c'est une forme de colonisation planétaire à laquelle l'Espagne se livre. Et évidemment, on sort aussi d'un monde confiné à l'Eurasie et à l'Afrique pour arriver au globe, à ce globe qui désormais commence à être colonisé dans sa totalité. Donc, premier changement, c'est cette colonisation planétaire et le fait qu'on est dans un nouvel horizon qui n'est plus l'horizon borné antérieur. Ça, c'est une première chose. Et lié à cela, une transformation des conceptions astronomiques, c'est-à-dire le fait que nous ne sommes plus dans un monde où la Terre est au centre de l'univers, mais entre Copernic 1453 et Galilée 1610, qui sont exactement les dates, à peu près les dates, si vous voulez, de la Célestine et du Don Juan, dans ce moment-là, il y a une révolution astronomique que vous connaissez bien, puisqu'on sort d'un modèle géocentrique où la Terre est le cœur de l'univers et tout tourne autour de la Terre pour arriver à un modèle où la Terre n'est plus qu'un point qui tourne. Eh bien, cela provoque une forme de décentrement total, une blessure narcissique, comme le dira Freud plus tard, c'est-à-dire le fait que l'homme n'est plus le point central de l'univers et le fait qu'il n'est qu'un des éléments qui tourne. Autrement dit, c'est le prélude à une grande laïcisation, c'est le prélude à un grand désenchantement au fait que, finalement, tout se passe non plus entre l'homme au centre et Dieu au-dessus, mais simplement à un niveau d'immanence. Et ce qui est le plus frappant dans ces deux pièces, c'est le caractère d'immanence totale. Il n'y a pas de Dieu, ou il y a plutôt un Dieu, mais Dieu est extrêmement absent. On est dans une forme de rapport au désir qui est un rapport de direct, un rapport horizontal, et la verticalité n'apparaît que pour être en quelque sorte congédiée ou dénoncée. On en parlera tout à l'heure avec Christian, c'est-à-dire que dans la Célestine, c'est un monde où Dieu est étrangement absent, et Dieu n'apparaît dans Don Juan finalement que sous une forme institutionnelle, l'Église et encore, on en reparlera. Donc bref, première révolution, le monde, révolution cosmologique, révolution géographique et révolution évidemment économique, une troisième révolution qui va être très présente dans nos deux pièces, c'est-à-dire le fait que le capitalisme, qui était déjà présent, comme vous le savez, au Moyen-Âge, déjà dans les mines au XIIIe siècle, eh bien le capitalisme prend son essor à ce moment-là, exactement entre nos deux pièces, au XVIe siècle, c'est-à-dire que le capitalisme devient finalement la norme. Il devient le type d'économie dominante et il unifie le monde dans un même système. On passe, comme le dit Fernand Braudel, à une économie monde, c'est-à-dire une unification par un certain nombre de flux de relations commerciales. Vous me direz qu'il y avait des relations commerciales antérieures entre l'Asie via le monde arabe et l'Europe, entre l'Afrique, etc. Mais là, ça prend une autre échelle avec les bateaux qui partent, et il n'est pas un hasard d'ailleurs que une de nos pièces se passe à Séville, un endroit où le capitalisme maritime est dominant, puisque c'est une époque où la Méditerranée est encore un centre commercial, une plateforme commerciale, et on passe de la Méditerranée à l'Atlantique, c'est-à-dire, avec le siècle suivant, à un commerce maritime à une plus vaste échelle. Donc Séville-Port, où se trouvent notamment un certain nombre de grands marchands, de grands armateurs, qui vont construire le capitalisme moderne, c'est-à-dire que c'est là que les bateaux, que l'un des personnages dans la Célestine évoque, d'accord, un des personnages est un marchand qui a fait du commerce maritime, eh bien, on voit les bateaux partir pour le large, et c'est ainsi que la richesse se constitue, puisqu'on investit dans les bateaux, et les bateaux permettent de faire venir la richesse de l'autre côté du monde. Donc, à un moment où le capitalisme se déploie, devient l'économie dominante, à un moment où l'argent devient la référence, et cet argent qui va mettre 3-4 siècles à corroder toutes les valeurs, il commence déjà son travail d'érosion, son travail destructeur de toutes les autres valeurs. La famille, on le voit dans la Célestine, on voit comment les marchands commencent déjà progressivement à prendre le pouvoir jusqu'au moment où, que ce soit Marx ou Balzac, on aura une dénonciation de son pouvoir de totale érosion. Donc voilà, capitalisme évidemment très présent et le commerce, est, on fait commerce de tout dans nos deux œuvres, dans la Célestine et dans Don Juan, et il y a évidemment une dénonciation d'une corruption généralisée. Et le siècle d'or, ce sera, après le siècle de l'accumulation des richesses et des grandes découvertes, ce sera le siècle de la dilapidation de l'or. Comment est-ce que l'or ne fait plus que passer par l'Espagne et est dispersé à travers toute l'Europe, à commencer par les Flandres, et comment finalement l'Espagne vit un grand train de vie et mène une vie dont elle n'a plus les moyens. Enfin, pour aller très vite, parce que je m'en voudrais de vous ennuyer, deux autres choses, deux autres révolutions sont déterminantes dans cette période-là, dans ce vaste XVIe siècle qui sépare nos deux œuvres, et qui sont très déterminantes aussi pour le cadre de référence dont nous parlons. La première, c'est évidemment la constitution des États-nations, c'est-à-dire le fait que les guerres nationales, qui étaient déjà anciennes, si on pense à la guerre entre la France et l'Angleterre au siècle précédent, mais surtout les guerres que va mener l'Espagne au XVIe siècle, puis au XVIIe siècle, renforcent un sentiment d'identité nationale avec une notion de pureté, une exigence de pureté. Son sang est de pure race, dit un des personnages, il est un sang ancien, d'accord. Cette idée de la pureté du sang, la pureté de la race, de l'identité nationale, concept dont nous avons quelques échos aujourd'hui, se cristallise à ce moment-là au confluent du politique et du religieux, et même d'une certaine manière du racial. C'est-à-dire qu'il s'agit de poser l'identité d'une nation, qui est la nation d'abord castillane, puis espagnole. Je vous rappelle qu'à l'époque, les deux couronnes espagnoles et portugaises ont fusionné, autrement dit l'Espagne a avalé le Portugal pour un certain temps, et le Portugal n'est plus qu'une colonie, comme on le voit dans Don Juan. Lisbonne est un des joyaux, une province de la couronne, et nous avons d'ailleurs ici celui qui dresse le portrait, le paysage même, parmi la troupe de cette ville colonisée. Eh bien, nous avons donc une Espagne qui se rigidifie, se densifie en termes d'identité nationale, et parce qu'elle est un empire mondial, comme tout empire, elle a tendance à définir ceux qui sont exclus et ceux qui sont inclus, ceux qui appartiennent à l'empire, ceux qui sont les citoyens de première classe, en plus nous sommes dans une monarchie et pas dans une logique républicaine évidemment, mais et ceux qui sont au contraire des sujets ou des parias. Donc, même si l'Espagne va mettre beaucoup de temps à se structurer comme État-nation, puisqu'elle est composée de provinces, comme vous le savez, très diverses, et qui vont rester en rivalité, et on sait aujourd'hui que c'est un pays fédéral, avec des contestations, des régionalismes, il n'en demeure pas moins que la réaction est d'autant plus violente, et que, par exemple, par rapport à tout ce qui n'est pas vieux sang, les Juifs, les morts, puisque c'est la reconquête également d'Espagne, et qu'on va chasser à la fin du siècle les Arabes, hors de la péninsule ibérique, donc tout ce qui n'est pas vieux chrétien, tout ce qui n'est pas catholique, va subir le traitement le plus extrême de la conversion forcée, les conversos, donc les juifs convertis, comme peut-être l'auteur de nos textes l'est, ou bien évidemment les morts qui ne sont plus présents, et évidemment les protestants qui n'ont pas droit d'asile du tout en Espagne, puisque, et c'est la dernière et cinquième chose que je voulais évoquer en termes de grands changements, c'est l'époque des guerres de religion, et le déchirement de l'Europe contribue à la radicalisation espagnole. Donc toute cette Espagne des bûchers, de l'Inquisition, cette Espagne où d'ailleurs sans doute Don Juan se retrouve une victime d'un pouvoir ecclésiastique qui se constitue, eh bien c'est une Espagne qui se définit essentiellement par la catholicité extrême. Voilà comment nous avons cinq dimensions ici qui donnent un peu un cadre et qui font que nous passons de la fin du Moyen-Âge, 1499, à la pré-Renaissance et au temps moderne qui vont ouvrir sur le siècle d'or, siècle de décadence. En fait, ces deux pièces sont deux pièces qui présentent à la fois une fin et une origine. La Célestine, c'est la fin du Moyen-Âge, clairement. C'est la fin d'un certain type de rapport au monde. Elle enterre le Moyen-Âge à de nombreux égards. Et en même temps, c'est l'origine d'un mythe moderne, d'un rapport au désir très moderne et d'un rapport à l'argent, au gain très moderne. Effectivement, les trois biens évoqués par la Célestine sont le plaisir, le bien et le profit. Et ce profit, cette dimension du profit, c'est une chose que Christian a beaucoup répété en répétition, c'est que l'argent devient une valeur centrale. On voit bien là qu'on est dans un point de basculement, c'est-à-dire que le capitalisme va faire commerce de tout, à commencer par le désir. Bon, ça c'est un basculement. Donc fin du Moyen-Âge et début d'un rapport au commerce, un rapport à l'argent comme valeur centrale. Don Juan, c'est également une œuvre charnière, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la fin de l'âge d'or espagnol, qui n'est pas le siècle d'or, de l'âge d'or dont je vais parler dans un instant, qui est l'espèce de triomphe de cette Espagne mondiale, et d'un autre côté, le début du mythe, qui est le mythe de Don Juan. Tirso, c'est la préhistoire de Don Juan, d'un mythe qui s'ignore lui-même, on va en parler dans un instant, et donc on est dans deux œuvres charnières, si vous voulez, à un siècle d'écart, à la fois en termes historiques et en termes de mythologie littéraire. Alors pour ne pas être trop long, je voudrais juste maintenant faire un deuxième point sur, après avoir parlé des révolutions et du cadre de ce long siècle, simplement un petit éclairage sur cette Espagne-là. Cette Espagne qui va mener au siècle d'or. C'est d'abord un empire mondial, on l'a dit. Souvenez-vous que Charles Quint, qui est le premier empereur des Habsbourg, donc 1519-1555, Charles Quint est un empereur qui, à lui seul, réunit le Saint-Empire romain germanique, donc qui datait de Charlemagne et qui s'est métamorphosé, mais qui était flottant, ça veut dire les 350 provinces de l'Empire allemand, plus les Flandres, par héritage et par mariage, plus la Castille, l'Espagne et le Portugal, plus les nouvelles possessions en Amérique. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc c'est un empire absolument gigantesque. Heureusement, Charles Quint est l'homme de la situation, comme nous le montre Victor Hugo dans Hernani, c'est-à-dire que c'est quatre hommes en un, il parle quatre langues, c'est un ami des lettres, vous vous souvenez que Léonard de Vinci est mort dans ses bras, donc c'est l'homme parfait, l'homme de la Renaissance, mis en face de lui que François Ier pour faire bonne figure, espèce de géant sur le champ de bataille. Donc, on a ici cette espèce de figure qui est la figure solaire de l'Empire, d'ailleurs dans le Soulier de Satin, vous voyez le premier roi, qui est la première période de l'Empire, où on est en pleine conquête, en plein éclat. Cet empire-là est confronté à un certain nombre de crises très graves, dont la première est le protestantisme, mais pas seulement, et la résistance acharnée de la France, puisque Charles Quint, non content d'avoir dominé l'Europe, conquiert également l'Italie. C'est sur la grande campagne de 1530, 1527, le sac de Rome, donc le moment où l'Empire est en train d'enserrer la France. Quel est le rêve de Charles Quint? C'est un rêve d'unité. D'unité par la chrétienté et d'unité, Charles Quint est plus allemand qu'espagnol, à l'inverse de son fils Philippe II, mais Charles Quint, lui, rêve d'une unité de l'Europe en cette époque de Renaissance. Eh bien, ce rêve d'unité est battu en brèche. Et c'est déjà là, si vous voulez, qu'à mon avis, est la faille qui prépare la ruine du siècle d'or dans tous les sens du terme. L'Empire unitaire ne fonctionne pas parce que la France, déjà très constituée en termes d'État-nation, résiste, parce que l'Angleterre joue un jeu de l'équilibre des pouvoirs entre les différents pays, et que l'Empire n'arrive pas à prendre en tenaille totalement la France entre l'Italie, l'Espagne, les Flandres et l'Allemagne. Bon. Donc, résistance de la France, puissance extérieure qui est l'Angleterre, Charles Quint désabusé, renonce au pouvoir, et le transmet d'abord à son frère en partie, pour la partie allemande, et puis à son fils Philippe II. Philippe II, deuxième roi, donc deuxième empereur, pardon, 1555-1598. Donc Philippe II, c'est le roi de la résistance, et c'est un roi extrêmement espagnol, il s'enferme dans son palais, et il est celui qui va affirmer une forme d'orthodoxie, de catholicité intégrale, qui évidemment est confrontée à l'Angleterre, autre grande puissance, l'Angleterre d'Elisabeth Ier. Vous vous souvenez tous de la grande bataille où les vaisseaux espagnols se lancent, l'invincible Armada justement, se lance contre les armées anglaises et échoue. Donc cette grande défaite espagnole, c'est aussi un deuxième temps du déclin, c'est-à-dire que l'Espagne ne contrôle plus les mers, c'est désormais l'Angleterre qui va contrôler les mers. Faillite donc d'unité, faillite de contrôle des différentes voie maritime. Et puis, finalement, intransigeance et expulsion des Juifs, destruction, qui fait qu'il y a cette espèce de resserrement sur une posture extrêmement altière et qui tient encore l'Empire, mais avec une manière d'érosion un peu partout. Alors j'en arrive maintenant au temps justement des Philippe suivants, Philippe III et Philippe IV, vous avez entendu le texte lu par Julien sur Philippe IV, c'est-à-dire le moment, le début du XVIIe siècle, qui est le début de cet âge, de ce siècle d'or décadent. Que reste-t-il là à l'Espagne? Eh bien, il reste finalement cette espèce de tenue altière, il reste un règne de l'argent qui envahit absolument tout, il reste une inquisition toute puissante, il y reste également un goût du spectaculaire, c'est-à-dire la manière dont le roi existe sépare le spectacle du pouvoir lui-même. Autrement dit, on est désormais dans une image qui n'est plus que le reflet d'une puissance en plein effondrement. Et c'est un des sens d'ailleurs de la mise en scène de Christian, c'est-à-dire de montrer cette Espagne en pleine faillite et un roi qui n'est plus que l'ombre de cette puissance-là. Voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là, sinon je vais continuer à irradier sur la suite du siècle. Donc peut-être que pour entrer dans les œuvres, si vous n'êtes pas trop épuisé, on va peut-être commencer à parler de ces deux œuvres et de ce siècle d'or littéraire, c'est-à-dire en termes de genre. Pourquoi est-ce que tu as voulu prendre d'un côté la Célestine, de l'autre Don Juan, en miroir, comme deux échos au siècle d'or? Bon, en fait, il y a une part d'intimité dans le désir de monter les deux. En réalité, vous savez, on est victime de ces lectures premières. Au fond, quand on fait de la mise en scène, c'est tellement un travail pratique qu'on ne lit plus. Donc moi, je ne suis plus un lecteur depuis presque 30 ans. Un vrai lecteur. C'est-à-dire quelqu'un qui s'abstrait complètement du monde et lit. Donc je retourne dans mes lectures premières. Et dans des lectures systématiques qui furent celles de mes jeunes ans, c'est-à-dire entre 16 et 25 ans, je mangeais du livre. Et il se trouve que j'avais lu la traduction par Georges Brousse dans la même édition, Don Juan Célestine. Voilà. Ça avait été un petit peu quelque chose qui m'avait marqué, et donc à 30, 40 ans de distance même, tout d'un coup, je me dis, il faut faire Don Juan et Célestine, n'ayant pas le souvenir de l'édition de Georges Brousse. C'est en regardant dans ma bibliothèque que j'ai retrouvé en fait la véritable idée. Donc il n'y avait pas une idée dramaturgique préalable, il y avait plutôt un doudou, si vous voulez, littéraire, une sorte d'affection débordante pour une édition, et que je ressortais à 40 ans de distance en me disant, ah, c'est une bonne idée. Donc au fond, il n'y a pas eu véritablement de réflexion. C'est la réflexion, et souvent au théâtre d'ailleurs, elle est après le geste, elle n'est pas avant. Donc ça, c'est pour la part intime. Ensuite, c'est d'abord et avant tout en partant du siècle d'or. C'est-à-dire que l'origine de ce type de travail-là, il est au fond à prendre dans les premiers travaux que j'ai pu faire sur les actes sacramentels de Calderón, c'est-à-dire le Grand Théâtre du Monde et puis le procès en séparation de la mue du corps que j'avais monté à la Comédie Française et où j'étais face à des objets théâtraux que je ne trouvais pas, que je ne connaissais pas dans le corpus littéraire européen. C'est-à-dire principalement un théâtre conceptuel. C'est-à-dire un théâtre dans lequel l'idée est le sujet même, et le sujet de la représentation. C'est-à-dire qu'un théâtre qui ne peut procéder et n'arrive pas à procéder autrement que par l'exposition de sa pensée. On peut retrouver ça éventuellement chez Brecht bien plus tard. Ça peut paraître un raccourci étrange, mais quand je lis, je ne sais pas, La Chaise du cuivre de Brecht ou quand je suis dans des pièces vraiment didactiques de Brecht, je trouve un mouvement où l'idée, le débat, est inclus dans l'œuvre et en même temps, évidemment, une narration et une part séduisante de la narration. J'avais ça dans le théâtre espagnol. Et je l'avais notamment dans le Grand Théâtre du Monde. J'en dis deux mots parce que le Grand Théâtre du Monde et le procès en séparation montée fait partie d'un style, si vous voulez, théâtral qui s'appelle l'acte sacramentel. L'acte sacramentel, ce sont des spectacles qui sont présentés dans les rues à l'occasion de fêtes religieuses, la fête Dieu, et qui célèbrent l'Eucharistie. Ce sont des spectacles qui sont joués dans les rues, donc pour un public composite. Il s'agit aussi bien de satisfaire les âmes très raffinées qui sont capables de comprendre les subtilités du texte, et en même temps de satisfaire des âmes plus directes et qui, elles, ont besoin d'une distraction et d'un appât narratif ou spectaculaire qui les amène. Donc, se trouvant comme ça dans un équilibre d'essence populaire, du reste, puisque populaire, à mon sens, c'est pas du tout de rendre captif un type d'auditoire selon sa classe sociale, mais au contraire, d'opérer la tension sociale dans la salle, ce théâtre-là est fait dans la rue et pour un public composite, et expose toujours un problème théologique. Il ne s'agit pas de célébrer bêtement l'Eucharistie. Il s'agit d'être en réflexion profonde, théologique, sur le fonctionnement eucharistique. Alors, le grand théâtre du monde, pour vous en dire deux mots, c'est quoi la situation? C'est Dieu, il faut jouer Dieu, qui demande au monde de lui faire un spectacle. Donc, pour faire le spectacle, il lui dit « trouve des comédiens ». Le monde, comme un technicien de théâtre, va chercher des âmes qui ne sont pas encore, qui n'habitent pas encore un corps. Ces âmes arrivent, Dieu les distribue. Alors Dieu les distribue en fonction du rôle qu'il a décidé. Donc il dit, toi tu feras le roi, toi tu feras le pauvre, etc. Et il distribue comme ça la société. Les comédiens ainsi distribués contestent la qualité de leur rôle. Évidemment, l'autre dit, mais on a une âme égale, et pourquoi? Vous voyez déjà, premier problème, pourquoi moi je joue le pauvre et pourquoi je joue le roi? On pourrait très bien changer de rôle. Qu'est-ce qui préside à ce choix? Dieu ne répond pas, comme d'habitude. Et donc, la pièce commence, vous voyez, simplement dans ce fait-là, commence sur une question fondamentale, qui est une inégalité de fait, réglée supérieurement par le spectacle qu'on va donner, qui s'appelle la vie humaine. Alors, ils se mettent à jouer. Les comédiens partent au plateau, donc les âmes, il y a beauté, il y a le roi, il y a le laboureur, il y a... Bon. Et puis, chacun, évidemment, commence sa vie. Et ils demandent, les comédiens, avant de rentrer en scène, à Dieu, mais comment on va savoir comment ça se termine? On est professionnels. Comme on entre, on ne répète pas. Ben non, dit Dieu, pourquoi vous répétez? On n'a pas le droit de répéter sa vie. Donc, ils vont jouer très bêtement leur vie, sans savoir comment ils entrent, comment ils sortent, et ce qu'ils doivent faire. Il y a juste un souffleur, qui est la loi de grâce, qui leur dit, agis bien, car Dieu est Dieu. Voilà, ça c'est le souffleur. Alors, régulièrement, pendant la présentation, la loi de grâce s'évertue à dire, à la beauté, par exemple, arrête ta vanité. Au roi, décide, agis. Au laboureur, arrête de râler. Aux pauvres, c'est comme ça. Et la représentation se conduit ainsi. Et Dieu ne dit rien, regarde. Et la fin arrive, la fin que Dieu a promise, la fin c'est la mort. Et la mort arrive et dit, bah toi tu sors. Alors les comédiens, acteurs, les personnages, évidemment, au moment de leur mort, soit font l'apologie de leur vie, soit la critique. Le roi, par exemple, c'est un effet du siècle dont vient de parler Gérald, le roi fait un bilan négatif de sa il a dilapidé les richesses, il a dilapidé son temps, il le dit, et il essaye par cet aveu rédempteur de redonner une couleur positive à sa vie. Et puis paf, on l'appelle en coulisses. Et puis ils partent tous comme ça, le seul qui est content de partir, c'est le pauvre. Qui dit au riche, écoute, moi je suis content. Et le riche dit, moi pas. Et l'auteur, mais c'est génial, quoi. L'auteur fait partir main dans la main le riche et le pauvre, l'un en train de tempêter, l'autre en train de se réjouir. Et puis il y en a un qui conteste, et dans un rapport direct à Dieu d'ailleurs, c'est le laboureur, et qui dit, excuse-moi, il a râlé toute sa vie, hein. Enfin, disons toute cette courte pièce qu'il joue. Et finalement il dit, je ne peux pas mourir maintenant, j'ai pas fait ma récolte. J'ai laissé mon champ en friche, mes vignes, laisse-moi finir. Alors, vous voyez, c'est une anecdote, mais au fond, ce personnage, le laboureur, qui conteste sa condition, qu'est-ce qu'il est? Ben, il est le producteur de l'Eucharistie, c'est-à-dire du vin et du pain. Vous voyez, c'est rien, mais la subtilité du texte, en très peu de temps, le texte est très court, fait apparaître une contradiction essentielle tout d'un coup, entre d'une part une vie qui est une vie qui apparaît comme une vie lourde et peinante, et en même temps une vie qui est en dévotion religieuse à son insu. Alors ils arrivent en coulisses, ils sont assis en coulisses, ils font la gueule, tous. Le monde arrive et leur dit, maintenant vous me rendez vos accessoires. Évidemment, ils ne veulent pas les rendre. Le roi dit, non mais attends, tu sais à qui tu parles. Et l'autre lui dit, je ne parle à rien du tout. Et donc, vanité, hein, évidemment, donc on rend les accessoires. La beauté, alors ça c'est magnifique, hein, la beauté, elle ne peut pas rendre, parce que tout était sur son physique. Alors vous imaginez l'état du physique. Et le monde en rigole du reste, et la renvoie à la relativité de son être. Et finalement, il se retrouve dans un temps qui est finalement le temps qui nous, si Dieu existe, qui sera le nôtre lorsque nous attendrons le jugement définitif. Donc ils ont un temps de latence, qu'on dirait tout droit sorti du Pirandello, ils errent. Et le pauvre prend le premier initiative de dire, mais appelons Dieu, il nous a promis ce repas. Et là, c'est génial. C'est-à-dire que ça peut apparaître comme les derniers seront les premiers, mais au fond, le mec qui demande à y aller, c'est un type qui a faim. Il a simplement la dalle. Il a passé sa vie sans rien, il demande, bon. Et à l'appel du pauvre, Dieu apparaît, Dieu rend justice à chacun. Il y aura trois voies, quatre. Il y aura le paradis, c'est donné à la religion et aux pauvres. Pauvre qui est déçu du paradis parce qu'en fait, c'est encore des hosties. Non, mais c'est génial. Imaginez que c'est un prêtre qui écrit ça. Et puis, ensuite, il mettra le roi, le laboureur et la beauté au purgatoire. Mais la religion fera entendre à Dieu que le roi l'a aidé pendant sa courte vie. Alors, le roi a cette phrase écrite par Calderón de la Barca, qui était un homme d'église. Il écrit, puisque religion l'ordonne, il a le droit de venir au paradis, donc le roi s'en tire bien. Donc on voit très très bien que l'auteur fait entendre aussi les petits arrangements, si vous voulez, avec Dieu, au travers de l'Église. Et puis le riche lui ira en enfer, alors il n'y a pas d'appel. Et là aussi on entend ce dont parlait Gérald, c'est-à-dire qu'on a conscience de la responsabilité qui est la sienne dans une gestion de richesse qui ne revient pas à la communauté. Et puis, donc je vous ai donné trois. Et le dernier, alors là, c'est le scandale, ce sont les labes. C'est-à-dire qu'au début du spectacle, il y a un acteur feignant à qui on distribue l'enfant mort-né. Donc ça veut dire celui qui n'a pas été baptisé et qu'on envoie dans les limbes. Et l'intelligence, si vous voulez, du texte fait que c'est lui qui a le dernier mot de la comédie. Et ce dernier mot, c'est rien. Nada. Donc il y a même une intuition, un vertige comme ça du néant que Calderón exprime au travers de ce personnage-là, mais qui reste dans le vécu de la représentation drôle. Vous voyez, une âme un peu bâtarde, si vous voulez, aurait, ce serait plein de sa condition. Ce pauvre enfant, quand on lui donne son rôle, lui il dit « rôle vite appris ». Parce qu'évidemment, il n'a pas de texte. Lui, il n'a rien à dire, il joue pas. Donc, il dit « super ». Bon, vous voyez, donc, je prends cet exemple-là parce que la passion pour le répertoire espagnol vient de cette fascination et de la question que ça pose au théâtre. Ça pose une question au spectateur. Il est nécessairement actif, c'est-à-dire que le texte reste, vous l'entendez, vous n'avez pas forcément toute la science de texte, mais en le résumant, on en voit tout de suite la dynamique et la jubilation d'intelligence qu'elle suppose. Donc il est tout à fait préhensible. Encore faut-il savoir le faire entendre. Mais il est préhensible et en même temps il est d'une élévation et d'une complexité énorme entre d'une part le dogme qui est défendu, qui est évidemment et absolument, Calderón est un catholique, ça, il n'y a aucune hésitation là-dessus, c'est un jésuite aussi, et toute l'ambiguïté, toute la complication, si vous voulez, intellectuelle, qui est exposée au peuple. Et ça c'est joué dans la rue, avec force musique, avec des costumes colorés pour que les gens repèrent de loin qui sont les personnages, chantés, écrits en vers, de façon à ce que la codification de la versification fasse entendre la colère, fasse entendre la joie. C'est pas l'acteur qui se met à jouer la colère ou la joie, mais c'est la scansion poétique qui fait entendre la colère ou la joie. Donc si vous voulez, je ne connais pas, vraiment, dans le répertoire occidental, je ne connais pas de théâtre qui porte aussi loin l'abstraction sur scène. Et je dirais que ça, c'est pour moi représentatif de tout le théâtre du siècle d'or. C'est un théâtre qui est en même temps dans un mouvement, on va dire, d'essence commerciale, c'est-à-dire qui a nécessité de faire commerce, je vous dirai pourquoi après, ça c'est une chose, et d'autre part d'édification. Alors, cette édification, elle se fait dans un cadre idéologique où il s'agit pour l'Église catholique d'asséner, de faire entendre et de faire partager l'obligation d'un seul dogme. Hein, on est juste au sortir quand même de la Reconquista, la chute de Grenade, c'est 1492. On s'arrange à ce moment-là d'une société qui est quand même une société confessionnellement très bigarrée. Et donc, il y a une obligation de créer de l'ordre. Donc, il n'y a aucune ambiguïté sur la délivrance, si vous voulez, confessionnelle qui est donnée, mais en même temps de garantir toute l'ambiguïté que l'époque vit des contradictions théologiques auxquelles on a affaire. Donc, la justice de Dieu, par exemple. Parce que ce Dieu ne sait pas diriger. Il délègue. L'ambiguïté du monde, qui est quasiment un diable. C'est-à-dire le monde tel qu'il vit, quoi. Il vient du souterrain, il arrive, il vient rejoindre, il sort des entrailles de la terre, si vous voulez. Bon, voilà. Donc, ce double mouvement-là, et qu'on retrouve dans tout le théâtre espagnol, pourquoi? Parce que c'est un théâtre commercial, je l'ai dit, c'est un théâtre qui fait de l'argent. Les auteurs, moi j'étais allé, si vous voulez, à Madrid, aller visiter la maison de Lope de Vega, on peut la visiter, on voit sa bibliothèque, on voit un tout petit peu l'endroit où il priait. C'est une maison de riches, une maison avec une chambre qui est donnée aux hidalgos, parce qu'il fallait recueillir les chevaliers. Vous savez, les hidalgos qui se promenaient toujours avec un cure-dent. Ça, c'est aussi une image formidable du siècle d'or. Pourquoi un cure-dent ? Parce qu'il n'avait rien, mais il venait de manger. Et donc, le cure-dent, si vous voulez, était la garantie d'une richesse qu'on n'avait pas, mais dans le geste, il y avait la richesse qu'on n'avait pas. Formidable, quand même. Bon, ben, il y a chez Lope de Vega une petite chambre dans laquelle on couchait le chevalier, l'hidalgo qu'on accueillait et qu'on avait en charge. Donc c'est pas un monde, si vous voulez, duquel vient le fracas. Quoi. C'est pas des gens de théâtre, vous voyez, une sorte de... D'ailleurs, c'est vrai aussi pour Molière. Hein. L'espèce d'illusion, si vous voulez, un peu sympathique de comédien pauvre qui joue sur des tréteaux en plein air, on vient directement de la cartoucherie. La réalité financière de ces comédiens était une réalité extrêmement aisée. Et Lope de... Alors, il y avait des compagnies mauvaises, des compagnies meilleures, bien sûr. Mais toutes les villes organisaient des cérémonies religieuses de type autosacramental. Donc les comédiens venaient jouer ces actes sacramentaux qui étaient payés par les municipalités et représentés. Et les hommes d'église tenaient ce théâtre et les recettes alimentaient les hospices. On payait les hospices de charité, par exemple, avec l'argent de la représentation. Donc il y avait un double mouvement pour l'église d'être en même temps intéressé et comment aux recettes de ce théâtre et dans le même temps, évidemment, d'être le lieu d'une édification religieuse. Ce qui menait les hommes d'église à détester, comme toujours, si vous voulez, les comédiens et ce que représentait la mimésis et le fait d'imiter, et qui était évidemment réprouvé par l'église. Et puis, en même temps, on avait absolument besoin, parce que c'était un des lieux de régulation d'un discours, mais qui n'était pas un discours dogmatique au sens petit du terme, mais un discours réflexif. C'est en cela que je dis souvent que pour moi, le peuple espagnol est théologue. C'est-à-dire qu'il est activement dans le temps de la représentation, en réflexion, sur des données théologiques auxquelles il a affaire et qui n'en fait pas pour autant, si vous voulez, des béni-oui-oui béats. Hein, ce que je vous dis des limbes, par exemple, il y a dans l'œuvre, dans ce petit acte sacramental, il y a vraiment une injustice, si vous voulez, quelque chose de scandaleux du point de vue de l'esprit. Bon. Et le Cadérol le fait entendre. Et ça, vous l'avez d'une façon plus ou moins poussée dans l'ensemble du répertoire espagnol du siècle d'or. Merci, voilà. Alors, écoutez, il faut comprendre que la production littéraire, on a gardé aujourd'hui un tiers de l'ensemble des œuvres qui ont été produites pendant le siècle d'or, mais on estime en gros le nombre de pièces écrites entre cette période qui va en gros de 1580 à 1780, pour faire vite, hein, dans des données historiques, et de plus de 10 000 œuvres. C'est affolant. Il y avait plus d'une cinquantaine de théâtres à Madrid, quand il y en avait 20 à Londres et 3 à Paris. Donc, si vous voulez, le théâtre était là, et la question était là. Alors, théâtre donc commercial, théâtre de l'édification, très subtil, théâtre de l'allégorie. C'est un théâtre, là vous l'avez entendu, le laboureur, il n'est pas... Mais pire que ça, quand je montre le procès en séparation de l'âme et du corps, les personnages, je vous fais la liste des personnages, l'âme, allez jouer une âme, le corps, allez jouer le corps, mais pire, la vie, la mort, péché, entendement, volonté, mémoire. Alors, une actrice arrive, elle dit, tu joues la mémoire. Alors, c'était drôle parce que c'était Catherine Salvia qui avait des pertes de mémoire. Elle en avait vraiment. Donc, c'était même assez intéressant que la mémoire, à un moment donné, avait beaucoup de mal à... Bon. Vous voyez, c'était ça le procès en séparation. Donc, c'est la seule pièce, par exemple, acte sacramentel aussi, dans laquelle on peut trouver la représentation d'un homme en 7 acteurs. Puisque le sujet du procès en séparation, je vous le dis, c'est trop joli. Péché est amoureux de l'âme. Péché appelle la mort. Il appelle la mort comme son ancienne maîtresse, puisqu'ils sont arrivés tous les deux ensemble à cause de lui, au moment du péché originel. Donc il l'appelle comme une maîtresse. Et il lui dit, voilà, je suis amoureux de l'âme, et il faut que n'y a que toi qui peux m'aider pour la posséder, puisque pour que je la possède, il faut que le corps meure. Donc, vous voyez déjà, vous imaginez, donc c'est une pièce religieuse. Ça commence sur un sale coup, si vous voulez. Et donc, il arrive, et à partir de là, il montre au public un corps avant que l'âme rentre dedans, donc avec ses instincts bestiaux, avec une régulation purement commandée par le désir, et puis il voit l'âme orgueilleuse qui ne veut pas avoir affaire avec cette machine dégoûtante. On fait rencontrer les deux, l'âme et la vie. À partir du moment où la vie arrive, elle passe un contrat avec la mort. elle sait qu'elle va jouer un temps donné et qu'à un moment donné, elle s'échange un flambeau. Et voilà, alors toi tu as le flambeau, bien à un moment donné, je te le prendrai. D'accord. Donc la mort est dans l'homme, elle est dedans, et la vie est dedans. Et quand il naît, il rencontre d'abord ces trois facultés fondamentales, qui sont d'ailleurs encore aujourd'hui, d'un point de vue médical, revendiquées comme des stades d'évolution possible de l'individu. C'est-à-dire la première personne qu'il rencontre, c'est la mémoire. Et ça dure trois répliques, hein, ça. La mémoire arrive, il se pique à une rose, il fait aïe, elle dit voilà, c'est la mémoire. Premier. Le deuxième, c'est la volonté. Il a 12-13 ans. Alors là, c'est le désir qui arrive, il veut tout bouffer. Il a envie de tout, il veut tout. Et puis, troisième personnage, c'est l'entendement qui lui dit « Attends, calme. » Et là, c'est évidemment la religion qui arrive et la nécessité de vivre dans la confession et de vivre dans un espace-temps qu'on contrôle. Voilà. Et tout ça va représenter un homme. Et il y a un moment donné, pour l'avertir, on se décide d'intervenir dans le sommeil et vous êtes obligé d'endormir tous les acteurs. Et chacun dort selon les catégories de l'allégorie qu'il représente. C'est-à-dire que le corps dort comme un bébé, l'âme est gelée, la vie continue à marcher en fermant les yeux, la volonté ne veut plus rien, est fatiguée, en a marre, la mémoire ne sait plus où elle est, et l'entendement dit des conneries. Mais il dit n'importe quoi. Voilà. Mais vous rendez compte, enfin, il faut imaginer donc qu'un théâtre comme ça était présenté devant un public, lambda, qui ne s'attendait pas à ce qu'il allait voir, était en relation directe. Il n'était pas simplement devant des pièces, vous voyez, qui auraient été d'un dogmatisme un peu lourd et un peu autorisé, mais contenait en lui-même la contradiction de cette réflexion. Donc c'est un théâtre, là je parle, ça ce sont deux actes sacramentels, qui sont et toujours concernés par cela, et organisait un répertoire joué dans toutes les villes d'Espagne, joué mais partout, dans les cours de ferme, joué sur les galions. Il y avait du théâtre sur les galions. Les bateaux qui partaient avaient des troupes. Et ils jouaient tout le temps et étaient dans une floraison incroyable. Alors, ça, c'est le siècle d'or à part entière. Et ce théâtre amène un élément fondamental, amène une théorisation même de lui-même fondamentale qui est le tragicomique. Tragicomique que les Français, vous le savez bien, ne comprennent absolument pas. Pour nous, la tragicomédie, on le sait bien, hein, depuis la querelle du Cid, c'est une tragédie mal foutue qui se termine bien. Et c'est une horreur. Comment peut-on penser que dans une tragédie, vous voyez, prenant Racine comme le parangon de l'affaire, on puisse tout d'un coup avoir la coexistence avec un élément comique? Et vous entendez bien, quand je vous ai décrit ces deux actes sacramentels, ça vous fait rire. Moi, ça m'a toujours fait rire quand on l'a monté en français. On rigolait. Ce qui énervait d'ailleurs Andrzej Séverine, catholique polonais, qui me disait « Christian, je ne peux pas rigoler comme mes confrères parce que je suis un vrai catholique. » Pas le catholique réactionnel polonais que l'on pense, mais ces mots, je les dis à la messe. Et lui, il était très très rétif au fait que nous, le pauvre, par exemple, nous fasse rire. Vous voyez, il ne comprenait pas. On était en train de célébrer l'Eucharistie. Il était donc, pour lui, c'était tragique. Si vous voulez, il n'y avait pas de tragique comédie. Bon, dans le théâtre espagnol, c'est théorisé, c'est une réponse objective à une pensée aristotélicienne qui organise en catégories très claires le comique et le tragique et ne les mélange pas. Théorique, les Français, eux, vont au contraire revendiquer pleinement. Les Espagnols s'y opposent, le théorisent et disent non, c'est dans le même temps. Donc c'est pas un défaut d'écriture, c'est pas une préhistoire du théâtre laborieux avec un peuple espagnol qui est bon à jouer de la castagnette, à jouer de la guitare. Non, c'est une pensée intellectuelle qui théorise un théâtre du monde. Voilà. Il n'y a pas de théâtre espagnol qui ne soit pas un théâtre du monde. Et c'est pour ça que la première décentralisation, au temps heureux des définitions claires de l'utilité des théâtres publics, était extrêmement férue de ce théâtre-là, parce que c'était un théâtre qui se suffisait pour représenter le monde. Donc il s'accommodait d'une part d'une régulation esthétique très simple, il ne fallait pas des tonnes de décors, hein, c'est la phrase de Cervantes, hein, 4 planches et 4 tonneaux, et puis on représente le monde. Mais ça, ce n'est pas un vœu, c'est dans l'écriture. C'est une écriture qui, en elle-même, si vous voulez, porte un rapport ludique, simple et actif de représentation du monde. Et le monde, il est pensé à ce moment-là dans un double mouvement qui accepte aussi bien et parfois dans une proximité dérangeante le modèle tragique et le modèle comique. Dans le même temps, dans l'expression. Par exemple, je meurs, le riche le vit comme une tragédie, le pauvre comme un bonheur. Ben, on met les deux ensemble, on les fait sortir. Le spectateur si tant est qu'il participe de l'enrichissement général, sera totalement épouvanté par la disparition du riche, qu'il vivra de son point de vue. Celui qui, par contre, ils sont plus nombreux, fera partie de celui qui n'a pas mangé toute sa vie, sera content. Et c'est le fait de faire frotter les deux qui crée une théâtralité. Eh bien, cet esprit-là, vous le retrouvez dans tout le répertoire, donc dans ces 10 000 pièces, pas toujours de la même façon que peut représenter la comédia. Et si on veut comprendre, alors donc ils font de l'argent, cet argent va à l'église, l'église entretient ses hospices, notamment avec cet argent, et c'est très souvent, c'est le cas de Tirso de Molina, c'est le cas de Lope de Vega, c'est le cas de Calderón de la Barca, ils sont tous hommes d'église, prêtres, moines, mais en tout cas, alors à des moments différents, si vous allez dans la maison de Lope de Vega, vous verrez qu'il a une très jolie chapelle privée, où il allait prier, qui est d'ailleurs sa chapelle, on la voit encore, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a sa chambre aussi, et dans sa chambre, il y a une petite fenêtre qui donne sur la chapelle, et s'il y a une petite fenêtre qui donne sur la chapelle, c'est parce que ça lui permettait d'accomplir ce qu'il avait à accomplir avec les nombreuses femmes qui l'accompagnaient, puisqu'il paraît-il qu'il en avait nombreuses, et ça lui permettait de se confesser dès l'acte fait, quasiment, sans bouger de sa chambre. Donc si vous voulez, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il faut entendre ça avec beaucoup de subtilité, mais en tout cas, voilà, c'est un théâtre vivant et qu'il faut assimiler, je dirais, au cinéma actuel pour le comprendre. Il y a quelque chose de la production cinématographique contemporaine où d'ailleurs, on peut dire qu'un acteur, c'est un comique. Et on va dire, celui-là, je vais parler des comiques actuels parce que vraiment, ils m'angoissent, mais on va parler des papes d'Anilou et tout ça, mais on va dire, par exemple, je ne sais pas, à Bourville, si vous voulez, voilà. Ben, Bourville, pour moi, dans le registre d'une distribution de comédia, ça s'appellerait Gracioso, c'est-à-dire le comique. Et le gracioso, c'est un rôle. Donc le mec vient voir le spectacle, il sait qu'il va voir le gracioso. Et la distribution est une indication de la compréhension de la pièce. Ah, le laboureur, c'est le gracioso qu'il joue. Donc, vous voyez, si c'est Bourville qui joue le laboureur, on ne se trompe pas. On ne va pas avoir une lecture du laboureur tragique. Alors que ce qu'il raconte est terrible, sa vie est affreuse. Parce que c'est joué par un gracioso. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi tous les genres possibles. Donc dans la comédie espagnole, vous avez la comédia-comédia. C'est une comédie-comédie. Ça existe. Il y a la comédia tragedia, comédie tragédie, puis après vous avez le KPDP, vous avez des registres différents, avec des bonheurs incroyables, tendus entre deux grands auteurs, hein, pour faire très vite, qui sont Lope de Vega au début, et Calderón de la Barca. Et ce qui est marrant, c'est que Lope de Vega, c'est le prince, celui qui porte, et qui d'ailleurs est revendiqué par Victor Hugo, c'est pas un hasard, parce que dans le débat romantique avec les Anglais, il valait mieux revendiquer les Espagnols. Et qu'entre le débat Racine-Shakespeare, si vous voulez, plutôt que de revendiquer Shakespeare, on revendique chez Victor Hugo Lope de Vega. On prend ce modèle-là. C'est pas un hasard s'il y a autant d'Espagnols dans le théâtre hugolien. Ça vient de là. Et donc, ce Lope de Vega théorise ce théâtre-là, le revendique comme un théâtre de l'épure, je veux dire, enclos dans son économie textuelle. Alors soit parce qu'il écrit très bien et c'est des scénarios qui sont absolus, soit parce que ce sont aussi des œuvres poétiques. Et vous avez dans ces œuvres-là, par exemple, des octosyllabes de la terreur. Alors, c'est rythmé d'une certaine façon et on sait que le personnage est terrifiant. Pas parce qu'il l'est, mais parce qu'il a une façon de rythmer son texte terrifiant. Donc Lope de Vega, lui, à un bout, va théoriser ça et ça va être le règne absolu, si vous voulez, d'un siècle d'or début du siècle d'or théâtral où il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait de la représentation, c'est ce qu'on appelle les corrales, hein, le choral espagnol, qui est en fait une cour d'auberge, si vous voulez, plutôt en rectangle, avec une scène un peu élisabéthaine, dans laquelle on représente les choses. Et la chose est assumée par le texte et par l'acteur, par le costume aussi. Et puis, à l'autre bout, vous avez Calderón de la Barca, ils vont coexister tous les deux très peu de temps. Je dirais n'importe quoi, mais enfin, ça dure très peu de temps, là, le moment où, avant que Lope de Vega meure et avant que Calderón fleurisse vraiment, il y a un petit moment d'écriture commune. Calderón, lui, il ira vers un théâtre de plus en plus machinique, où on représente plus. Et il va y avoir d'ailleurs une polémique où la question posée, nous on le faisait entendre dans le Don Quichotte, de façon très allusive, mais le débat, est-ce qu'on voit avec ses oreilles ou est-ce qu'on entend avec ses yeux ? Alors, bien sûr, Calderón aurait tendance... Bien sûr que tous ces grands esprits, grands littérateurs, grands poètes, savent très bien qu'on voit avec ses oreilles. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais on a aussi besoin d'entendre avec ses yeux, et ça, c'est l'arrivée du théâtre machinique. Et c'était un débat violent entre eux, parce que l'étonnant de la pureté de ce théâtre-là, considéré comme un dévoiement qu'on pourrait appeler bourgeois aujourd'hui, on va dire des sens opératiques, le fait d'aller vers un théâtre machinique. Voilà. Hein, donc, imaginez donc une période où il y a du théâtre partout, tout le temps, théâtre d'édification et en même temps un théâtre qui se tend vers vers un public d'essence populaire, mélangé en tout cas, et qui est qui ne se pose pas de questions entre le tragique et le comique, mais fait l'apologie nécessaire du mélange entre le tragique et le comique. Donc ça, c'est entre 1580 et 1680. C'est le théâtre le plus prolixe, si vous voulez, en production d'Europe à l'échelle, si vous voulez, de nos connaissances actuelles. Il n'y a pas autant de production anglaise, il n'y a pas autant de production française. C'est absolument hallucinant d'agitation. Et ce théâtre-là est précédé d'une période de théâtre humaniste, exactement comme chez nous. C'est-à-dire, nous, c'est Garnier, hein, c'est ce théâtre qui revendique l'héritage grec et l'héritage romain, juste le théâtre de la Renaissance, Jodel, tout ça. Bon, les Espagnols ont eu la même période. Donc, avant la période du siècle d'or 17e, vous avez une période de théâtre humaniste. Et avant la période de théâtre humaniste, vous avez une période de théâtre médiéval, donc représentation médiévale, style mystère, et puis ce monstre qui s'appelle La Célestine et qui est une tragicomédie. C'est-à-dire que le titre original de La Célestine, qui est un roman, hein, c'est un roman dialogué, je me suis fait attraper parce que j'ai dit roman sur France Culture, alors là, je me fais démolir, c'est un roman dialogué, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand on lit La Célestine si on a affaire à du théâtre ou à du roman. Hein. Il n'y a pas une seule narration, sauf les petites têtes de chapitre, il n'y a pas une seule narration en dehors des dialogues. Et cette œuvre-là est une sorte de monstre énorme. Si on le lisait à haute voix entièrement, ça durerait à mon avis 6 à 8 heures. Donc qui est vraiment un monstre déposé comme ça au fond de la culture espagnole et qui met en principe tout de suite la dimension de la tragicomédie. Donc le siècle d'or va revendiquer la Célestine. C'est-à-dire que vous avez la Célestine et quelques autres œuvres hein, qui sont des œuvres dans lesquelles le principe de tragicomédie au travers du roman est appliqué. Et puis ensuite, il y a une évolution qui est celle de la Renaissance, où vous allez avoir un théâtre humaniste, qui va revendiquer, lui, un théâtre grec ou romain, avec des canons beaucoup plus arrêtés. Et puis, dans la période du siècle d'or, on revendique la Célestine comme étant la source littéraire, une des sources littéraires du siècle d'or. C'est pour ça que les rapprochés sont assez justes. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un rebond d'une œuvre sur l'autre dans cette conception de la tragicomédie. Alors, la tragicomédie dans La Célestine est tout entière portée par le personnage de La Célestine, qui par essence est un personnage tragicomique parce que c'est un personnage de survie. Donc, il ne se pose pas la question des raisons morales de ses actions. Je m'en fous de savoir si c'est bien ou mal d'être maquerelle. Je m'en fous ou bien de savoir si j'ai le droit ou pas de refaire les hymens 5-6 fois sur la même fille que je vends après. Je m'en fous de savoir si je dois avorter ou pas. Tout ça, je m'en tape. Le profit d'abord. Et donc la survie d'abord. Brecht aurait dit la bouffe d'abord, la morale après. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un personnage qui en lui-même, par son instinct de survie, sans doute parce qu'il est ancré profondément, et c'est là où la question tragicomique est fondamentale, aux esprits tragiques ou aux esprits que comiques, le tragicomique porte les contradictions inhérentes à nos vies et à ce que nous sommes, puisque nous sommes capables et de rire et de souffrir quasiment et souvent dans le même temps. Un autre moment, c'est la défloraison, même la mort de Calixte. Et d'ailleurs, moi, je le vois bien, surtout avec un public jeune, d'ailleurs, c'est marrant, il capte ça très bien. Dans le même temps, il va tomber et se fracasser la tête. Donc, d'un côté du mur, vous avez la souffrance de Mélibée qui voit son amant mourir. Et de l'autre côté, vous avez un type qui dit il est mort comme mon grand-père. Et ramasse sa cervelle et relève-lui dans la tête. Donc, si vous voulez, donc, le public est même visuellement, dans le même temps, dans les mois affectifs et en même temps dans la réjouissance comique. Et cette proximité-là, c'est le fond de la Célestine. Alors, la Célestine, l'autre chose vraiment passionnante, c'est que c'est un peu comme Scarface. C'est-à-dire que c'est un ouvrage, on pourrait dire, de commande qui se donne comme objectif de montrer à quel point les amours doivent être raisonnés et qu'il faut se méfier des mauvais serviteurs et des intermédiaires. Donc c'est le titre, pas celui-là, mais en gros c'est ça, c'est un long titre qui se donne pour but de stigmatiser, si vous voulez, l'amour fou, pour faire vite. Et donc, ça s'écrit, Et le personnage qui représente ce mâle, qui est la Célestine, comme Scarface devient sympathique et devient en fait le héros de l'affaire. Et la Célestine est une usurpation du titre. Mais je pense que ce qui est très beau, c'est que c'est aussi en fait une persistance du Moyen-Âge, une nécessité du Moyen-Âge face à une régulation après sa mort qui va être celle d'une modernité qui va avoir recours, alors soit au droit, soit aux petits arrangements de chacun avec sa petite propriété, mais qui n'aura plus le mal pensé comme étant constitutif du bien. C'est-à-dire la Célestine, c'est quelqu'un qui existe à l'intérieur même d'un monde normatif, pour permettre à cette norme de ne pas faire apparaître cette uniformité. Voilà. Elle est à cet endroit-là. À partir du moment où elle disparaît, le monde est renvoyé à ses petits arrangements juridiques, confessionnels, tout ce que vous voudrez possible. Donc, le fait de faire entendre les deux permet simplement, plus qu'il choque, mais qui était plutôt pour nous une fantaisie, permet simplement, au moins pour un public, d'être dans un rapport d'essence pédagogique face à un répertoire dont il ne soupçonne pas la richesse, puisqu'en général, on entretient plutôt avec l'Espagne un rapport un tout petit peu condescendant. On ne peut pas dire, d'abord, quand j'y vais quand je suis allé à l'Institut théâtral de Barcelone en disant que je travaillais sur la Célestine, ils m'ont sorti l'exemplaire de 1425 original, parce qu'ils étonnaient qu'un Français s'intéresse à la Célestine, et pire que ça, quand ils ont su que j'avais monté le procès en séparation, acte sacramentel, pas monté en Espagne, parce que c'est Franco qui avait revendiqué, pour des mauvaises raisons, les actes sacramentels, c'est pas très bien ressenti, quoi. C'est une question un peu épineuse. Ils m'ont montré, restez assis, un doigt de Calderón de la Barca. Ils avaient un doigt de Calderón, ils m'ont dit, c'est extraordinaire. Ils m'ont dit, vous voulez voir le doigt de Calderón? Est-ce qu'il bougeait? J'ai dit, moi je veux bien, bougeait, non, non. Mais alors il est dans un cas, c'est l'os, et ils ont gardé, mais ça c'est espagnol, quoi, un fétichisme, Et alors, j'ai vu le doigt de Calderón de la Barca, donc je suis très content de vous l'apprendre. Et il suffit de vous intéresser à la CSI, vous allez à l'Institut, vous verrez le doigt de Calderón qui est conservé. Bon, voilà, enfin bref. Non mais, je veux dire, vous voyez, ce rapport condescendant à la littérature espagnole qui fait qu'en fait, on la connaît mal, alors qu'il y a eu une influence énorme de la littérature et de la dramaturgie espagnole sur le théâtre français, notamment, bien plus d'ailleurs que le théâtre élisabéthain. La question élisabéthaine va se poser bien plus tard, va se poser beaucoup pendant la période romantique, alors que le théâtre espagnol va percuter le théâtre français, dans tout le théâtre baroque français, Corneille bien sûr, évidemment. Mais au-delà, j'ai cité Hugo, c'est bien évident, et on pourrait aller jusqu'à Claudel. Il y a constamment une intrigue, et notamment sur cette question tragicomique, et vous savez bien que ce malheureux Corneille est tombé parce qu'il était suspecté de faire de mauvaises tragédies, parce que le cœur tragicomique battait. Ce qui en fait un théâtre relativement moderne, parce que je dirais que dans la modernité, la question tragicomique, elle est réglée, d'une certaine façon. Je dirais pour beaucoup, d'ailleurs, par le cinéma, par exemple, qui souvent est dans un espace de ce type. Le débat fait beaucoup moins rage qu'à ces époques-là. Mais dans la période dont je parle, le théâtre espagnol influence complètement tout, même Molière, Don Juan. Hein, le Don Juan de Molière est écrit très peu de temps après celui de Tirso de Molina, puisque celui de Tirso de Molina, ça doit être 1625 ou 1630, et l'autre, le Molière, c'est quoi? 1665. 65, oui, c'est ça. Donc vous voyez, il y a 40 ans entre les deux, ce qui est très peu, et quand on lit les deux, on est totalement effaré d'ailleurs par l'évolution, et celui de Molière essaie d'être sur un mode d'ailleurs tragicomique, et souvent on lui reproche d'ailleurs sa construction, on dit que c'est mal foutu, ce qui n'est pas complètement faux. Et n'empêche qu'il a une intuition géniale, c'est que la grande différence entre le Don Juan de Tirso de Molina et le Don Juan de Molière, mais il tient à ce que je vous ai raconté, c'est que celui de Tirso de Molina est chrétien, celui de catholique. C'est un impie, c'est pas du tout un athée. Il n'a aucun projet qui le dépasse. Il vit, lui, à l'intérieur d'une société donnée, avec les obligations confessionnelles données. Il n'a absolument aucune dimension qui serait, athée, ou une intuition simplement de son athéisme. Ça, il ne l'a pas. Ce qu'il a, par contre, c'est qu'il a un rapport au temps. Alors là, on retrouve la logique un peu des actes sacramentels, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir si l'éternité n'est pas dans le moment. Est-ce que finalement, alors évidemment la jouissance est le parangon de l'affaire, hein, puisque l'orgasme est un moment d'éternité dans le moment. Pour Don Juan, la question sexuelle, la question des consuméristes, hein, dans Molière, finalement, on l'a élevé, hein, lui, il en a je ne sais combien, enfin, bon, aussi à Charlotte. Mais enfin, fondamentalement, il n'y a pas une démonstration de fornication aussi forte chez Molière qu'il y en a chez Gerson et Molina. La question fondamentale, c'est est-ce que le moment, un temps, peut être un moment d'éternité à l'intérieur d'une grande séquence qui sera sanctionnée par la confession permettant de racheter tout. À partir du moment, si vous voulez, où... Alors là, on voit bien la question théologique. Est-ce qu'il est normal qu'on rentre dans ce débat-là, c'est-à-dire que la confession absolve de toutes ses fautes, à partir du moment où on peut faire ce qu'on veut, voilà. La question est légitimement posée. Donc comment réguler ça? Cette question-là, elle est renvoyée, chapitre des Bonina. Elle est très simple, au fond. Hein. C'est pour ça qu'il demande confession à terme et qu'on lui refuse. Et c'est pour ça que la Célestine aussi, déjà, demande confession et qu'on lui refuse. Le génie de la Célestine, c'est qu'il y a... Il y a quatre personnages qui meurent, mais qui n'ont pas le temps pour certains de demander la confession. C'est les mecs qui sautent par la fenêtre. La Célestine est assassinée, mais elle demande confession. Calixte demande confession, mais libé. Alors là, c'est là où c'est des œuvres, au fond, où la femme, c'est magnifique. Enfin, je trouve les femmes dans ce théâtre-là. Elle choisit de ne pas la voir. Elle suicide. Là, c'est... Tout d'un coup, on passe à une autre catégorie et la Célestine est un monde sans Dieu. Dans le Don Juan de Tirso, il demande la confession, mais d'une façon très claire, on lui refuse et il ne l'aura pas. Parce que la démonstration est d'essence catholique. Moi, je le traite comme un assassinat. Bien sûr que, peu importe que ce soit un assassinat ou que les statues de pierre marchent vraiment, si vous voulez, il est possible que les statues de pierre marchent finalement, tant qu'on n'en a pas vu une. Mais ne pas marcher. Mais donc on peut imaginer qu'un jour une statue vienne nous voir et nous serre la main. Mais finalement, peu importe, si la statue marche vraiment, elle marche pour Dieu et Dieu organise scénographiquement l'affaire dans une esthétique catholique. Il est évident que cette statue est catholique, elle n'est pas protestante. Donc si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est de toute façon toujours l'Église qui nous démontre et nous montre comment celui qui est dans un temps de jouissance qui ne tient pas compte de la temporalité relative de l'être humain, doit être détruit par le feu. C'est donc bien, de toute façon, une décision de l'Église catholique de le faire. Et d'ailleurs, une des différences aussi fondamentales, c'est que le tombeau, par exemple, chez Molière, est le tombeau. Donc c'est la mort, en tant que telle. Alors que chez Tirso de Molina, elle est dans une église. Et que donc, aller profaner ou aller provoquer le commandeur mort, c'est forcément provoquer au-delà tout l'édifice religieux. Parce qu'au fond, derrière Tirso de Molina, dans le Don Juan, vous avez l'idée, si vous voulez, que le libertinage, la pratique d'un libertinage, avec derrière une conception de l'usage de sa vie dans une parenthèse religieuse qu'on renvoie au temps qu'on a avant de mourir. Ce libertinage déclenche chez les femmes une prise en main de son désir qui devient pour le patriarcat, qu'il soit familial, qu'il soit politique ou qu'il soit religieux, intolérable. C'est-à-dire que finalement, les deux aristocrates qui couchent avec lui pensent coucher avec quelqu'un d'autre. Donc du point de vue de l'initiative qu'elles prennent de coucher avant le mariage, je dirais que l'initiative, elle est intacte. Elle avait couché avec Octavio, elle aurait couché avec Octavio. Si l'autre avait couché avec le marquis de la Motta, elle aurait couché avec le marquis de la Motta. Donc, si vous voulez, l'action est intolérable parce que l'édifice patriarcal se fendille, le tout dans une société qui n'arrive pas à assumer son pouvoir, puisqu'on a une figure de Philippe IV, qui est un roi, on l'a entendu dans la citation du roman à la Tristesse. Est un roi qui n'arrive plus à gérer son autorité sous fond de décadence. Donc, au fond, Don Juan n'est que l'écho de cette décadence, c'est un miroir du roi qui traverse une Espagne qui n'arrive plus à assumer son autorité et qui ne le peut que si l'Église, et là on est en pleine période de l'Inquisition, reprend droit et entre autres le but, c'est plus possible. Et donc, il traverse comme ça en aventure dans un théâtre dont l'esthétique est plus une esthétique liturgique. C'est-à-dire que, comme à la messe, ce sont des figures, des tableaux. Et alors, quand vous lisez dans l'espagnol, comme c'est écrit en vers, c'est encore plus clair, quoi. C'est un théâtre qui, au travers d'ailleurs de l'Empire espagnol, va influencer beaucoup l'opéra. Et vous êtes, c'est un théâtre qui est construit en scène puis en aria. Le personnage se met à parler sur très très longtemps et dans un verre rythmé. Donc ce n'est pas du tout un théâtre d'essence réaliste, c'est un théâtre d'essence liturgique avec des tableaux qui sont traversés par cette espèce de lucifer lubrique et qui déstabilise l'ensemble de l'édifice. Ce qui fait que finalement l'image politique est beaucoup plus forte que celle que l'on a dans Don Juan, où la question est bien plus métaphysique de Molière. Alors là, on voit le génie de Molière, parce que c'est en très peu de temps la saisie du mythe. On pourrait dire que dans le donjon de Tirso de Molina, c'est un donjon qui ne sait pas qu'il est donjon, il s'appelle Maurice. Lui, il ne sait pas qu'il va y avoir après des gens qui vont écrire jusqu'à plus soif, y compris Pouchkine, sur lui. Ça, il n'en sait rien. Lui, il est simplement, dans sa décapotable, fils à papa, fils du conseiller personnel du roi. Et il en profite, voilà, et il baise tout ce qui passe, et il baise pas n'importe quoi d'ailleurs, il baise à l'intérieur de fonctionnement qui renvoie la société espagnole dans son ensemble à sa décrépitude. C'est-à-dire les pêcheurs tarragonais sont incapables de révolte, les paysans riches vendent leurs filles, et ainsi de suite, et le roi arrange des mariages. Donc si vous voulez, on a une société qui se liquéfie, traversée par un électron libre. Et l'ensemble sur une métaphore que le commandeur d'ailleurs porte à lui tout seul à deux titres. Le commandeur revient de Lisbonne où il était ambassadeur et fait l'apologie de quoi ? De la marine. Il fait l'apologie des mers au Portugal. Et on est à ce moment-là dans un moment de sédition du Portugal, enfin, quand c'est écrit, de l'Espagne, et il renvoie à une mythologie, si vous voulez, de la puissance espagnole sur mer. Hein ? Et donc elle est renvoyée au Portugal, et ils ont même là-bas, on peut voir quoi ? Les bateaux de la Conquista. On voit la Santa Maria, et elle touche les étoiles. Qu'est-ce qu'il y a à Séville à ce moment-là ? Un baiser. Donc, ils portent ça, d'une part, qui est porté aussi par un autre personnage qui est la pêcheuse, qui maudit la mer d'Espagne, qui maudit les voiles, qui maudit les cordes. Donc, qui fait un bilan totalement négatif de la période dont parlait Gérald précédemment, qui était la période, évidemment, heureuse, hein, des conquêtes maritimes et du commerce, il porte cela, le commandeur, et l'autre chose qu'il porte, c'est, lorsqu'il sera mort, assassiné, c'est son tombeau, évidemment, mais qui est beaucoup plus complexe que le tombeau de Molière, puisque le tombeau est décidé par le roi, et il est représenté en guerrier, bien sûr, et avec une demande de rédemption, enfin, au jugement dernier, qu'il soit vengé de ce meurtre infâme, écrit en lettres gothiques. Et le fait que ce soit écrit en lettres gothiques, évidemment, renvoie peut-être, on pense à Charles Quint, mais ce n'est pas Charles Quint, c'est les Visigoths, c'est-à-dire l'Espagne d'avant, d'avant 711, d'avant l'arrivée des Arabes, d'avant la conviviencia, c'est-à-dire tout ce moment, vous savez, qui était le moment où on pouvait avoir Maïmonide et puis Averroès à Cordoue en train de débattre. Alors, la conviviencia, il ne faut pas non plus en faire des choux et des raves, parce qu'au fond, la conviviencia, c'est aussi des contrats. Les Arabes, quand ils arrivent sur la péninsule ibérique et qu'ils arrivent jusqu'au sud de la Galicie, au sud de Catalogne, ils se retrouvent avec quoi ? Avec des habitants chrétiens qui sont la force de travail. Donc, si vous voulez, on trouve des contrats. Au fond, la conviviencia, ça a toujours été des contrats passés par l'occupant sur l'occupé pour essayer de trouver un modus vivendi. Et la conviviencia arabe n'a pas duré très très longtemps. Les deuxièmes vagues d'occupation arabe, qui elles sont plus maghrébines, vont remettre en place un pouvoir beaucoup plus intégriste, qui va faire des pogroms, essayer de contrôler un équilibre qui ne contrôle pas. Et on aura la même chose avec les chrétiens. Quand les chrétiens vont reprendre, et bien ils vont se retrouver avec les merveilles d'irrigation de l'Andalousie établies par les Arabes, et donc ils vont passer aussi des contrats. Alors les contrats, par un moment donné, joue heureusement évidemment dans le monde intellectuel, c'est le cas de Maïmonide et d'Averroès, mais en fait les deux, de toute façon, ont des ennuis. Averroès ne finira pas sa vie à Cordoue. Donc si vous voulez, c'est comme la cathédrale qui est construite dans la grande mosquée, la Mosquita de Cordova, quoi, hein, qui est quand même un kouglof dans une merveille, c'est affreux. Et vous savez que Charles Quint disait, mais vous avez fait ce qu'on voit partout dans ce qu'on voit nulle part. C'est-à-dire que Charles Quint avait justement voilà. Donc, j'ai fait très vite, mais en gros, voilà. Donc, les deux œuvres conduites là-dessus, avec un point commun entre les deux, hormis la tragicomédie, hormis l'idée de faire entendre un public, et de faire comprendre la richesse de ce répertoire qu'on connaît mal, parce qu'il y a bien d'autres pièces, mon Dieu. Mais la question de la femme, la Célestine, c'est le plus grand rôle féminin que je connaisse. Voilà. Et pour moi, c'est le roi Lear. Je pense pas qu'il y ait rôle plus lourd pour une actrice que la Célestine. Elle était à ce jour en France, en tout cas portée haut, hormis Hélène, qui le fait très bien. Mais par Jeanne Moreau et par Cazares. Voilà, donc c'est pour vous dire dans quelles eaux ça tarde, quoi. Et puis la conception féminine, c'est-à-dire que la conception du rapport au monde, la conception de la jouissance, par exemple, est très complexe pour les femmes, elle est extrêmement simple pour les hommes. Les trois hommes de la Célestine, un est un amoureux fou, concupiscent, mais très vite sans efficacité, jouissance acquise. Ne peut jouer que dans la répétition, si vous voulez. Et puis, un est un puceau, et le troisième est un aigri. Alors que toutes les femmes sont extrêmement complexes et sont dans un panel, y compris le saphisme d'ailleurs, un panel du rapport au corps qui est extrêmement large, beaucoup plus large que les hommes. Et je dirais que dans Don Juan, il y a quelque chose aussi d'une prise en main, en tout cas, ou d'une action des femmes qui est beaucoup plus forte, au fond, que celle des hommes. Don Juan, bien sûr, on ne va pas dire qu'il n'est pas actif, mais je dirais dans une sorte de consumérisme dont il ne fait jamais bilan, quoi. C'est pas un homme de la liste. Il n'y a pas de liste comme chez Mozart. Alors lui, il n'en sait rien. Il est dans l'immanence constamment. Alors que les femmes sont dans le ressentiment, c'est-à-dire dans l'esprit de vengeance. Enfin, ça pousse loin. Donc voilà, pour faire vite sur les deux œuvres, leur nécessité, le théâtre espagnol, voilà. Voilà un panorama sur le monde, le théâtre et le théâtre du monde, et le monde du théâtre. Peut-être que vous avez des questions ou remarques ou sursauts. Oui, monsieur. Juste une remarque, en fait, il me semble qu'un détail, en fait, un facteur qui est important pour comprendre beaucoup plus ces pièces, c'est l'Espagne. C'est aussi un peuple qui ramène la fatalité. Notre vision du monde, notre compromis, c'est une fatalité. Cette fatalité est aussi marquée par une vision patriarcale. Donc, cette vision patriarcale de la fatalité, c'est ce qui va configurer la tragédie et les comiques, un peu de la fatalité. Et c'est pour ça aussi que le donjon et le vice de Molina, c'est un personnage qui n'est pas du tout à utiliser dans la jouissance. C'est un personnage qui est sadique, c'est une espèce de personnage qui est à soi condamnable par l'Église, parce que ce sont des églises qui sont définies. Donc il y a à la fois condamnation, puisque nous n'oublions pas quand même que le format, la manière de penser de l'époque, c'était in fine d'établir la morale dominante qui était celle de l'Église catholique. Et donc du coup, le but. Mais ça, si j'ai bien compris, c'était justement de trouver une morale à la face, c'est celle qui consiste à dire, même s'il y a une difficulté de la compréhension du catholicisme, même si le catholicisme est moral pour la nation, parce que nous n'avons pas se racheter. Ah ben oui, c'est scandaleux. Même si le catholicisme a commis les pires atrocités avec la conquête, finalement, il y a ce rachat, il y a cette ambiguïté, mais à la fin, on va quand même. Arriver à la situation qui redresse la morale, c'est d'ailleurs si elle est expliquée, c'est racheté finalement, même si elle a été des plus pervers, passer au paradis ou pas, donc une sorte de mission morale qui trouve une sorte de justice légale, assez grave. Bien sûr. Mais deux facteurs importants pour bien comprendre, c'est cette fatalité, on a dit exporter des biens et tout ça. C'était bien à tout faire de la fatalité de l'époque précoloniale. Et deuxième élément, c'est de dire ces machines-là. Il y avait déjà des prémices de machines Non, tout à fait. Mais avec une contradiction essentielle, c'est que, et c'est commun aux deux œuvres, c'est que. Alors, on prend Don Juan et finalement il est répréhensible complètement, il n'est pas sympathique. Nous, on ne le pense pas comme sympathique, on a pas l'impression qu'il a un QI très développé, il a pas de projet métaphysique, il a un projet consumériste, comme ça, instinctif, et qui s'abrite d'un côté par son papa, et puis de l'autre côté par le temps. J'ai le temps. Bon, très bien. Alors l'Église dit bon, sauf que ça donne Don Juan. C'est-à-dire que, comme la Célestine, on va réprimer les amours. les amours illicites, et puis la sénécite devient le titre. Et au fait, on n'arrive pas à se départir de la fascination qu'on a pour ce personnage. Et Donjon, c'est la même chose. C'est-à-dire que, au fond, l'œuvre aurait pu rester dans les cartons. Ben non. Ce Donjon va très vite être repris comme figure, et va être une figure, comment dire, qu'on n'épuise pas. Alors ça veut dire que dans le projet de Tirso de Molina, qu'il n'y pense pas, sans doute, encore que, je ne suis pas sûr, il crée, il met en place un des rares mythes, parce qu'on n'a pas tellement de mythes qui ont été produits en Europe, au fond. Il y a Faust, il y a Don Juan, enfin, si on essayait de les citer, des mythes qui sont vraiment produits par la dramaturgie ou la littérature européenne, il n'y en a pas, on est loin d'être à l'égal des Grecs. Mais il produit ce personnage qui devrait normalement être brûlé, puis on n'en parle plus. C'est un con, et qui nous permet de démontrer qu'on peut transiger avec la morale si on s'accommode le temps de la confession. Bon, et si on a l'argent aussi. Non. Alors, il y a cette intuition-là dans la dernière scène qui est quand même étonnante, et ça, je vous le donne comme énigme. C'est qu'on a connu, il y a plein de donjons. Il y a des donjons mélancoliques, il y a des donjons mariés, il y a des donjons fatigués. Il y a une panoplie de donjons incroyables. Et donc, essayons de trouver qu'est-ce qui est constant dans le mythe, qu'est-ce qui revient tout le temps, qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever à donjons. Hormis le désir des femmes, encore que je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un donjon homosexuel, il faudrait bien regarder, moi je suis sûr. Mais bon, il y a un donjon féminin. Il y a un donjon féminin, voilà. Enfin, on peut dire que la constante sexuelle, la composée, elle est essentielle. Mais ce qu'on n'enlève pas, ce qu'on retrouve chez tous, tout le temps, on ne peut pas le faire autrement, c'est Catalinon, Schiaparelle, Leporello. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de donjon seul. Alors ça, je n'ai pas fait le tour de la question, mais je trouve très fascinant que finalement, c'est cette figure complémentaire, et qui est sans doute celle qui porte en fait le mythe, qui le porte au sens propre. C'est-à-dire que c'est elle qui en est la voix, comme si ce personnage-là ne pouvait pas exister sans témoin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait, à l'intérieur même de son processus, un accompagnement, alors qu'il peut avoir des voix plus paternelles dans celui de Molière, plus valseuses participant dans le... Valseuse, enfin moi je pense souvent aux valseuses, donc cette espèce de road movie comme ça, d'un désir insatiable. Mais on ne s'en passe pas. Et alors, ce qui est marrant dans le Tirso de Molina, c'est ce que vous dites est vrai, qu'il n'y avait pas la dernière scène. Parce que la dernière scène, c'est quoi? C'est le roi qui recompose comme il peut un assemblage plus ou moins bien foutu, mais sans Célestine, on ne peut pas raccommoder. Donc on a des mariages qui se font alors qu'on sait très bien qu'il a été consommé déjà, mais par quelqu'un d'autre, et d'ailleurs, peut-être, avec conséquence à l'appui, mais bon, on compose, on se débrouille, on fait avec sa petite morale, mais on n'a pas la Célestine médiévale qui pourrait nous raccommoder tout ça, mais Catalinon, donc Sganarelle et Porello, vient, et re-raconte ce qu'on a tous vu, et le racontant donne accès au mythe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a, si on prend le récit de Catalinon, on peut mettre le récit de Catalinon comme un résumé du donjon de Molière, comme un résumé du donjon d'Aponte Mozart, et ça fonctionnera. C'est-à-dire, un jour, Don Juan est allé tirer la barbe, et la statue l'a pris, lui a serré la main, et il a fini dans les flammes de l'enfer. C'est-à-dire, le récit de Catalinon, c'est ce récit-là, qui donne accès à la possibilité de mythe. Si on ne met pas ce récit-là, nous, on s'arrête, il a été brûlé. Alors, soit par une statue qui marche toute seule, soit par des apparateurs musclés d'une église, une paroisse quelconque de Séville, peu importe. Mais il y a Catalinon. Alors ça, je n'en sais rien, je n'ai pas de réflexion, mais ça m'est apparu au bout d'un moment comme une évidence qu'on ne peut pas les séparer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de donjon s'il n'y a pas le serviteur. C'est très étrange. Et dans des variations différentes, hein, parce que le Tirso de Molina, la première apparition de Catalinon, c'est un jeu sur la mer, l'eau salée, l'eau bénite. Et on voit bien encore métaphore espagnole, c'est-à-dire que la mer est encore un lieu mauvais, alors que c'était le lieu de la richesse. Est un lieu mauvais, et il voudrait qu'il y ait du vin à la place de la mer. Bon, mais en tout cas, lui, c'est une variation sur la puissance espagnole. Chez Molière, vous savez, c'est le tabac. Qui était l'apanage des libertins. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur la qualité de ce que portent les deux personnages symboliquement. Mais par contre, il y a nécessité pour Don Juan d'avoir témoin. Ça, je trouve ça... je ne me l'explique pas, en plus. Hein, je n'arrive pas à me l'expliquer. Et le personnage de Catalina est un personnage très intéressant, c'est-à-dire sur des Molina, parce qu'il est en même temps... il réprouve et il participe. Mais pareil, toujours pareil, une question tragicomique, c'est-à-dire qu'il est dans les deux mouvements à la fois. Quoi. Comment circulaient les œuvres entre les, par exemple, les œuvres du chef d'œuvre, qui en avaient l'enfant, elles étaient traduites et... Oui, oui. Ben oui, voilà. Oui, bien sûr, elles étaient traduites. Il y avait aussi certainement des lecteurs espagnols qui étaient capables de les lire dans la langue originale. Je ne serais pas étonné que Corneille soit hispanisant, moi. Je ne le sais pas. Hein. Mais il y avait des traductions. La Célestine a été traduite très, très vite en Europe. Et il y a eu des traductions... Pardon ? La Célestine ? C'est une œuvre d'édification. Elle est censée démontrer... Ben oui. Même dès le titre, dès le projet. Tragicomédie des amours de Calixte et Mélibée pour... En gros, dénoncer la folle hérésie des amoureux et prévenir contre la turpitude des intermédiaires. Oui, oui, elle est mise à l'index. Mais dans le moment, non, parce que c'est une œuvre d'édification. Et je vous dis, c'est comme Scarface, quoi. On peut se dire que Scarface est un réquisitoire contre les bandits, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Voilà, bah, la Célestine, qu'est-ce que c'est bien. Vous voyez, le glissement du titre. Puis je pense qu'il y avait, il y a l'autorité littéraire, tout simplement, de l'œuvre. Et elle a été diffusée par traduction, donc déjà dès la Célestine. Il y avait une Europe beaucoup plus efficiente, d'ailleurs, enfin, que celle d'aujourd'hui. C'était une Europe de l'esprit, ben oui, mais hein, pas du commerce. Donc forcément, il y avait une circulation très importante. Donc je pense que les auteurs se tenaient au courant, évidemment, de la production espagnole, et qu'il y avait des traductions faites assez vite, ou même, tout simplement, des lectures directement dans l'œuvre originale. Mais je ne connais pas exactement le fonctionnement de la traduction. Je sais que la Célestine a été traduite, pas seulement en français, en allemand, en anglais. C'est une œuvre qui a énormément influencé. En Espagne, elle est extrêmement connue. Nous, on la connaît mal. Malheureusement, nous, on le sent à la billetterie, d'ailleurs. Vous mettez Don Juan, on a... Sting, tout le monde veut voir Don Juan, vous voyez. Vous mettez Célestine, Célestine... voilà. Vous voyez, Ça prouve bien, d'ailleurs. Enfin, ça dit quelque chose. Mais alors que ce donjon-là est quand même un donjon... j'ai envie de dire décevant. C'est pas décevant, mais il est déconcertant. Oui, on ne s'attend pas du tout à ce qu'il soit dans cette espèce de dépense improductive. Enfin, il est... C'est un donjon primitif. C'est donjon avant donjon. Primitif dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Je crois que ce qu'il a mis à l'index, c'est le succès de la Célestine elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est comme Scarface, on se dit, mais qu'est-ce que c'est bien. Parce qu'elle a une énergie à la mère Courage, quoi. Hein, elle fait beaucoup penser à la mère Courage. Elle a la même détermination, la même persistance dans la survie. Sauf qu'elle n'a pas d'enfant. Sauf qu'elle n'a pas d'enfant, oui. Mm-hmm. Oui, absolument. Mais la mère Courage... Oui, non, mais c'est intéressant. Elle en a fait. Oui, non, mais t'as raison. Oui. Mais ça, Brecht joue beaucoup aussi sur cette ambiguïté-là. Hein. Là aussi, on est dans le tragicomique. Mais c'est le même monde, effectivement. C'est la Courage, c'est Bruegel, c'est une espèce de femme qui traverse l'Europe en guerre. Et là, c'est la guerre du désir, c'est autre chose. Mais... Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est un théâtre. Alors, bon, la Célestine, c'est assez différent, mais en tout cas, pour Don Juan, c'est très clair, dans lequel les niveaux de lecture sont certainement, pour nous, c'est plus laborieux. Mais dans le moment de l'écriture, tout de suite capté, quoi. Les différents niveaux, c'est-à-dire la question théologique, la question politique, la question économique, d'une certaine façon, parce que avec l'histoire du commandeur et la richesse du Portugal et le commerce qui à ce moment-là est encore efficient, hein, descend vers l'Afrique, est lu en même temps, exactement dans le même temps, ce sont des esprits qui arrivent à créer. J'ai envie de dire des cristallisations, quoi. C'est-à-dire de tout le temps faire qu'un paramètre s'éclate plusieurs paramètres s'éclatent dans une seule situation. Et c'est perçu dans le même moment. La question de la confession, il y a une pièce qui est formidable de Tirso de Molina. C'est un. Alors l'histoire. Vous voyez, moi j'adore ça parce que c'est toujours de la pensée. Mais ça, c'est espagnol, c'est comme la corrida, quoi. Je veux dire, la corrida, c'est de la géométrie quand même. Et c'est une pensée dans la géométrie. Voilà, c'est un bandit qui vit dans une forêt, comme tous les bandits, parce que voilà, qui est terrible, violeur, voleur, enfin une horreur. Bon. Et puis il y a un anachorète qui vit dans la même forêt, homme de Dieu, et qui est très inquiet de la rédemption des âmes. Sachant que le bandit est dans la même forêt que lui, il se dit, je vais le sauver. Donc, il accompagne. Il accompagne le bandit, il fait de l'entrisme. Et puis, ils sont arrêtés, tous les deux. Le bandit a le temps de se confesser, il va au paradis. L'anachorète n'a pas le temps. Oui, bon, ben, vous voyez, là, la question est grave, elle fait rire. Je veux dire que, voilà. C'est exactement ça. Et c'est tout le temps ça. Ce qu'on a, d'une certaine façon, dans le Ténorio, dans Don Juan. Pareil. Alors après, la fortune du mythe, moi je connais mal celui de Don Juan, je voulais le faire, mais en quelque sorte, je me disais, c'est bien de commencer par le premier, vous voyez, en travaillant vraiment sur des très scolairement. Donc, j'ai fait mon premier Don Juan, je vais faire mon deuxième Don Juan, et puis ainsi de suite, il y en a tellement que... Plus de 22. Ah, c'est ça, ouais, je sais plus combien. Hein. Il y en a beaucoup. Mais pour Julien, je sais pas si tu veux dire un mot, Julien, mais le porter... Non, mais c'est pas évident, quoi. Parce que aller jouer Don Juan, c'est tout d'un coup se dire je porte Don Juan, quoi. Vous voyez. Or, au fond, dans le tierceau, on n'a pas de continuité. C'est-à-dire que c'est très dur pour l'acteur d'avoir la continuité narrative. Vous voyez ce que. Ouais. C'est des plots. Oui, voilà, on joue des plots. On joue des tableaux. Et on n'est pas dans une. Marc, ceci dit, dans le lien un peu aussi, mais on n'a pas de continuité. C'est plus continu. Oui. Comment tu l'as abordé, ce Don Juan? Je te remercie. Comment je l'ai abordé? On avait déjà bien débroussaillé autour, hein, avant de l'aborder en tant que tel. Donc, oui, on l'aborde par morceaux. On l'aborde par ses femmes, en fait. On l'aborde par ses femmes, on aborde Don Juan... par Isabelle, on aborde Don Juan par Thisbé, par Aminte, et même par Donia Anna. Mais ce Don Juan-là, effectivement, n'est qu'un instrument mis au service de désir féminin. Enfin, est une force de désir allant, n'importe où d'ailleurs, enfin dans le mur, et qui se fait happer par des femmes beaucoup plus éprises de liberté que lui ne l'est en réalité, je pense. Quelque chose de passionnant du personnage, c'est qu'il parle toutes les langues. Oui. Il est polymorphe. Il est comme c'est un caméléon. Il est capable de parler le langage de la cour, le langage des truands avec son valet, le langage de la séduction avec les femmes, le langage de la filiation avec son père, et en étant sincère à chaque fois. Et c'est ça qui c'est bien son drame, c'est qu'effectivement c'est quelqu'un qui est oui, qui est sincère avec tout le monde. Donc, c'est toujours un point de contradiction qui arrive à la fin où. Les sincérités s'entrechoquent. Exactement. Et ça, c'est important, le fait que, au fond, c'est cette question de l'éternité dans le moment, si vous voulez, fait que le moment est vécu comme un absolu, donc on ne triche pas avec lui. Donc, il n'y a pas de stratégie de séduction. Il y a une constatation de la nécessité de tromper, ce qui n'est pas du tout la même chose. Comme tu connais mal le trompeur de Séville, qui dit après avoir conquis Aminte, on ne sait pas si c'est une réjouissance ou si c'est un constat même amer et dépressif. Il y a de la mélancolie dans Don Juan. Ça c'est très clair qu'il y a une mélancolie et avec une agitation insensée. Mais il est dans le moment. Oui c'est ça. Il cherche l'éternité sur terre. Quoi. C'est fascinant quand il commence à s'adresser aux étoiles. Ouais. Il commence à lever la tête vers le ciel. Enfin, c'est Gagarine qui, je suis monté jusqu'au ciel, j'ai pas vu Dieu. Et quelque part, Don Juan est au même point. Il y croit, évidemment qu'il y croit, mais j'ai eu l'impression qu'il est, à force de miser, il est en recherche de punition. C'est ce qui explique la haine envers son père. Et il. Longtemps qu'il a renié son père et il passe son temps à dire mais qui va être plus fort que moi. Effectivement, quand il est face au mariage dans la scène avec Aminte, quand il va quand même il va enlever une femme sur le point de se marier devant toute la noce, personne ne bouge et il passe en revue toute la noce en faisant un grand bras d'honneur général et personne ne bouge et on se dit à un moment il aimerait bien que quelqu'un bouge Je ne sais pas s'il a une conscience de la salissure qu'il provoque, mais d'une certaine manière, peut-être que dans une recherche de pureté, l'être le plus sale qui soit serait heureux de se retrouver face à cette pureté, face à cette résistance. Et en l'occurrence, ça n'arrive jamais. Donc, c'est une question qui se pose. Sauf avec l'Église, à la fin. Oui, mais en tant qu'institution, en tant qu'inquisition, en tant que chose humaine, en gros. Donc il y a une grande déception. Je pense que c'est ce qui explique quand la statue entre au moment du repas, qui va là ? Et l'autre réponse, c'est moi. Bon, ouais, ok, d'accord. C'est pas encore le bon. C'est une farce. Bon, allez. Mais vous voyez, par exemple, sur l'humour, c'est ça. C'est que, par exemple, quand Catalino et Don Juan rentrent dans l'église, et ça, c'est en espagnol, Catalino dit « Je suis mort ». Et le commandeur répond « Le mort, c'est moi ». C'est pas possible. Et vous pouvez le retourner dans tous les sens. Vous pouvez vous dire « Non, on va le faire ». Mais le mec, il est quand même moine, le type qui écrit. Et il s'amuse avec la... C'est incroyable. C'est-à-dire que, vous voyez, la foi du charbonnier, celui qui est vraiment naïf peut rentrer dedans, mais l'esprit subtil sait très bien qu'on est face à une démonstration théorique. C'est les effets de distanciation dont Brecht va se regorger, l'orthodoxie brechtienne va nous dire, donner moult définitions qui font mal à la tête et qui font jouer comme des pieds en général. Voilà, elle est efficace. Je veux dire, vous pouvez faire tout l'appareil que vous voulez. Hein. On peut trouver vraiment une statue qui marche, imaginons. Vrai. On y arrive. Mais la statue arrive et dit « Le mort, c'est moi », bah c'est fini, quoi. Non. Et ben, vous voyez, à l'intérieur du truc, quoi. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est que vous savez, à Coro, au Venezuela, qui était la première ville où les Espagnols sont installés sur le continent, hein, je ne parle pas de Saint-Domingue, Haïti, Cuba, mais ou Trinidad, je parle vraiment de le continent sud-américain, c'est Coro. À Coro, il y a une vierge chauve. Moi, je tombe sur une vierge chauve. Je dis, bah, tiens, je n'avais jamais vu que son petit fichu bleu, elle est chauve. Et je dis, bah, pourquoi la Vierge est chauve ? Elle dit, non, mais elle n'est pas chauve, elle a trois perruques. Elle a une perruque blonde, une perruque crépue et une perruque noire à cheveux lisses. Donc, il y avait trois processions, et chaque procession changeait les cheveux de la Vierge. Bah, c'est génial. Mais c'est-à-dire que vous avez besoin d'être en situation... en situation de croyance et de tout l'édifice religieux qui accompagne ça, les anges joufflus, les trompettes et les gloires, mais il faut changer la perruque. C'est comme le mort, c'est moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, si vous montez une tragédie classique, vous êtes dans une tenue du début à la fin, et bon, c'est magnifique, c'est une immobilité totale, c'est sublime, quoi, la tragédie racinienne, par exemple. Mais vous êtes dans un exercice de forme, si vous voulez, qui ne se dénonce jamais. Qui s'accepte, mais qui ne se dénonce pas. Dans ce théâtre-là, c'est impossible. Constamment, vous glissez. Alors, soit vous ne l'acceptez pas, et ça donne du lourd, soit vous l'acceptez, et le public vous le renvoie, parce qu'il est dans cette jubilation, il comprend très bien. Vous savez, quand on met en scène, on est paranoïaque, quelquefois, parce qu'on est très narcissique, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est beau, ça. Surtout l'opéra, alors c'est pire, vous avez l'impression que vous avez écrit la musique. Vous dites, qu'est-ce que c'est beau, en fait, c'est pas vous, ce qui est beau, c'est l'orchestre, vous, c'est n'importe quoi, enfin, c'est un mec qui bouge avec des lumières. Mais bon, donc il y a une sorte de désir narcissique. Alors du coup, vous avez envie que tout le monde ferme sa gueule, vous avez envie que tout le monde soit face à votre objet comme vous êtes, face à votre objet, c'est-à-dire concentré, donc, en miroir de délectation. Et donc vous n'aimez pas que ça rigole, vous n'aimez pas ça, si vous voulez. D'une certaine façon, moi j'aimais tellement bien que le mec monte à l'échelle, tombe, se cogne la tête pour faire la mort, je trouvais ça tellement beau, que si vous voulez, je ne tolérais pas qu'on rigole. Quand le public est arrivé et qu'il a entendu les morts comme mon grand-père, il était mort de rire. J'avais l'impression d'un viol, si vous voulez. Comment, quoi, sur une... Bon. Mais c'est profondément ça. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence du... Alors c'est là où le poète est génial, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence profonde. Du public, instinctif, si vous voulez, qui vous restitue le degré de lecture et qui est capable de mêler dans le même temps les deux. Ça gêne pas. C'est pas parce qu'on rit, parce que le gars s'est cogné la tête par terre, qu'on n'est pas ému, parce que la fille a perdu son amoureux. C'est pas grave. Tout ça est un exercice. La conscience, si vous voulez, d'exercice. La conscience qu'on est dans le simulacre, au fond. Oui. C'est pour ça que, vous voyez, expliquez-moi pourquoi Garcia Lorca, qui a payé quand même de sa vie son opposition au fascisme espagnol, a fait le premier spectacle qu'il monte avec sa troupe, dont je ne me souviens plus le nom, la Baraka, je crois, sa troupe de marionnettes, etc., c'est un acte sacramentel. Et que lui, qui est mis à l'index de l'Église et comment pour son homosexualité affichée, dit pour moi, le théâtre, l'œuvre théâtrale la plus achevée, c'est la messe. C'est en quoi il n'a pas totalement tort, hein. C'est-à-dire comment le prêtre trafique des trucs qu'on ne comprend pas, de dos, enfin maintenant c'est de face, mais avant de dos, oui, dans un. Voilà. Mais dans la conscience de la représentation, c'est ça qui est très beau, c'est qu'il y a une conscience. C'est la représentation, on est conscient qu'on l'a fait. On ne la considère pas comme une vérité. C'est l'art du pas de côté. C'est un théâtre du pas de côté. Oui, voilà, exactement. On sort et on regarde. Et du plan. C'est-à-dire que la chose est totalement. Et évidemment, encore une fois, répertoire très peu pratiqué. Très, oui. Très peu. Oui, moi, je voulais juste ajouter que il me semble que tout ça, particulièrement en ce qui concerne le monde, avec la façon dont on oui. Sait au sexe, c'est-à-dire qu'il y a une façon de parler du sexe qui est extraordinairement jubilatoire par rapport à la tête dont on parle chez nous. Ah oui, oui, non, c'est clair. Ou même dans la pratique. C'est le boulevard un peu. Oui, non, tout à fait. Ridicule, mais les gens en France, on a un regard sur le sexe qui est souvent très, très narratif et qui ne mélange pas non plus les gens. Mmh. Et donc, la façon de parler de sexe, c'est les Argentins aussi. Oui, non, bien sûr. Mais c'est dans le vocabulaire aussi, dans la métaphore. Vous voyez, Florence Delay, qui est quand même un esprit raffiné, très hispanisante. Hein, je me souviens qu'elle me dit, il y a un moment donné où quand Arius fornique avec Parmeno, la Célestine s'en va et elle les regarde baiser puisqu'elle organise la fornication et se casse. Quoi. Et elle dit, j'ai encore le goût de l'amour dans les gencives. Quoi. Et Florence me dit, je crois que je vais l'enlever. Mais je lui dis, pourquoi vous allez enlever ça? Elle me dit, Académie française, elle me dit, c'est quand même un peu de mauvais goût. Et je lui dis, mais pour moi, c'est l'Espagne. Pour moi, c'est exactement, c'est l'expression. J'ai l'amour dans les gencives. Génial. C'est le souvenir des baisers dans les gencives. Voilà, ouais, c'est un truc, c'est génial. Le souvenir des baisers dans les gencives. Vous voyez, moi, je trouve ça, l'image, si vous voulez, nous, on est comptable de la période classique, on est comptable de l'Académie française et du refoulement, évidemment, du théâtre baroque. Et donc, à partir de là, on va museler la langue, on va la tenir, on va arriver à des sommets de beauté avec un lexique très court, enfin très pauvre. 2000 mots. Voilà, 2000 mots chez Racine. 2000 mots. 10 000 chez Shakespeare, 2000 chez Racine. 10 000. 10 000. Et là, par exemple, quand on. Puisqu'on a traduit, nous, sur le Don Juan, qu'on cherchait, on regardait. Mais par exemple, El Burlador. Burlar, ça veut dire tromper, oui, un peu farce aussi. Una burla, c'est une farce, c'est une blague. Mais ça fait entendre aussi baiser. Ça fait aussi entendre une connotation qu'on retrouvait en français dans je t'ai baisé. C'est-à-dire, c'est aussi bien que j'ai eu. Et toute la métaphore, au fond. Sexuelle est souvent une métaphore qui veut dire je t'ai eu d'arnaque. Bien, je t'ai eu, je t'ai mis, je t'ai baisé, et je suis pire. T'enculé, par exemple. Donc, qui veut dire les deux choses. Et là, dans El Burlador, il y a ça. Et ça se dit encore dans les corridas, burlar toros, c'est-à-dire le baiser. Quoi. Et le baiser, on dénonce l'artifice. Moi, à Séville, cette année, j'ai vu une corrida où il y a eu la plus grave, Cornada. Là, c'est fait. Un bandeliero s'est fait avoir. Bon, il s'est fait encorner, 8 heures de truc. Bon, drôle. Bon, très bien. C'était son frère qui était le matador torero. Et donc, il se retrouve derrière. Juste derrière. Son frère est emmené, il est face au taureau. Bon, il continue. Et il fait, j'ai expliqué à Florence, elle n'avait jamais vu ça, moi ça m'a étonné. C'est-à-dire qu'il se met face au taureau, il prend la carpe, il est prêt donc à faire, vous savez, les passes hein, connues, etc. Il la met, donc on est dans le code de la corrida telle qu'elle est, le taureau fonce, il lâche la carpe, le taureau passe. Ben ça, c'est Bourdelard. C'est-à-dire qu'il l'a baisé. Il l'a baisé dans... C'est-à-dire, toi qui as encore des mots, mon frère, je vais t'en faire une. Bon, Bourdelard. Alors, dans la traduction active du texte, ce que vous dites est très présent. Par exemple, miser, mettre, jouer, si tu veux gagner, il faut que tu mettes. Quoi. Il y a une morale de Don Juan à 20 balles, mais qui est cette... Alors, 20 balles dans une morale à court terme, extrêmement complexe à long terme, c'est-à-dire de prendre sa vie comme le jeu d'un enjeu. Mais c'est dans la langue. C'est extrêmement... Il mélange... Alors, Célestine, n'en parlons pas. Ah, Célestine, elle, c'est carrément... Il va franchement. C'est formidable, parce que c'est d'une jubilation, et c'est vrai que ça perdure dans leur littérature et dans la littérature sud-américaine. Nous, de l'autre côté des Pyrénées, on est quand même sacrément pisse-froid, quoi. Ça, c'est clair. Mais d'ailleurs, ils nous voient comme ça. Je suis français. C'est français. Il y a une polysémie de la langue. Oui. Hein, oui. Bourdelard, c'est à la fois l'esquive. Oui. À la fois je me moque. Oui. Et à la fois le corollaire, c'est justement je prends possession. Oui, je prends possession. Oui, exactement. Il y a les trois dedans. Oui, c'est ça. C'est le en français, c'est pas très intéressant en français, mais c'est baiser quand on dit je t'ai baisé. Mais si on dit le baiser de Séville, nous ce qu'on entend, c'est le mec qui baisse, quoi. Mais c'est plus subtil. Il y a le bord de la loi. Je sais. Mais c'est la faute des journaux, c'est la faute parce que bah oui. Il s'est passé, donc il est filmé, tout en se moquant. Voilà, exactement. Il a fait les trois. J'ai une question qui ça me donne un peu à propos de l'interprétation de Jean, c'est que au fond, quand vous avez dit dans Jean, il est sincère à chaque fois. Peut-être que j'ai l'impression que, je sais pas, mais il me semble que la mission espagnole, dans Jean, il ne peut peut-être qu'il est cynique. Il a un amour, on va dire, oui, c'est vrai. Il n'est pas la bienveillance. Donc, du tout, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai mal figé cette manière. Donc, il ne peut pas être sincère, c'est justement quand il est une proportion d'une femme. Il n'est que se moquer d'elle. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Oui. À la fois de machine et une sorte de vision fatale. Il est tout à fait abandonné. Je pense qu'il a un mépris distancié, macho, comme disait un alcoolique. Donc, du coup, je ne sais pas comment vous l'avez. En fait, il y a une phrase, enfin, un vers dans le mot qui peut éclairer cette chose-là, cette sincérité qui n'en est pas une, qui peut suivre le cynisme. Don Juan, après avoir pris à Mainte, avoir évincé le financier d'Aminte, dit « Je l'ai vaincu en le prenant par l'honneur, car toujours les pauvres ont l'honneur à la main, et ils voient tout à travers lui. Parmi tant de choses changeantes, on comprend sans peine que l'honneur a fui les villes pour se réfugier dans les hameaux. » Don Juan se perçoit lui-même comme héritier, comme porteur d'une noblesse sans honneur. À partir de là, toute sincérité est possible, puisque donnant ma parole, je ne suis pas obligé de la tenir. Mais je suis sincère malgré tout. Si on arrive à choper ça, c'est pas mal. Après, effectivement, j'en parle un peu en tant qu'interprète. Si je pars du principe qu'il ment, je suis baisé. Oui, je pense que il y a une étudiante en art dramatique espagnole, voilà, fille de gens de spectacle, donc qui connaît bien, qui est avec nous en ce moment. Et quand elle a vu, elle est arrivée, elle voit Célestine sur le cul. Il y a de la compréhension d'un Français de la question de la Célestine. Elle voit Don Juan et elle dit, alors, ce que vous dites, elle dit, mais en Espagne, on a une tradition plus machiste. Alors, je pense que derrière le machisme, il y a autre chose, il y a la question des hidalgo. Il y a la question de la fierté, c'est-à-dire de l'honneur. Et ça, nous, on ne sait pas ce que c'est. Je veux dire, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que c'est que l'honneur. C'est quelque chose qui revient constamment dans le texte et qui est une sorte de colonne vertébrale du texte dans laquelle, Don Juan se met. C'est-à-dire que face au commandeur, il accepte de manger, il accepte de... Il sait très bien qu'il va à la catastrophe, mais il y a un... Et cet honneur peut déboucher sur le machisme, c'est-à-dire une sorte de sûreté sa supériorité au fond, qui fait qu'il est bourgeois tout le temps. Bon, ça c'est une chose. Alors quand un Français rencontre ça, nous on a du mal à jouer l'honneur. C'est-à-dire, nous quand le Patrizio Kid, par exemple, moi, je lui fais enlever ses chaussures, c'est comme ça, il prend comme ça très de haut, mais comme il a mal aux pieds, il se fait mal. Donc on contredit parce que c'est des catégories que nous on a beaucoup de mal à ressentir ou à exprimer. Donc forcément, c'est un donjon espagnol vu par des Français. Donc forcément, il est investi à certains endroits d'une incapacité de comprendre en profondeur. N'empêche que moi, je pense que combien même nous, on est déficient, on a du mal avec cette question de jouer vraiment, quoi. Cette question de l'honneur, du duel, quoi. Voilà. Au-delà de ça, je pense que dans le texte, la nature de la sincérité de Don Juan n'est pas dans l'ensemble sur toute la longueur de la consommation amoureuse qui est la sienne, mais dans le moment, dans la saisie de l'objet féminin. C'est-à-dire le moment où le désir est efficient, est là. Ce moment-là est un moment de vérité. Ce moment-là. Moi, je m'amuse à le citer quand il décrit à Aminte comment elle va être vêtue, il lui parle de ses chaussures, comme par hasard, on dirait du Baudelaire, pour nous. Hein. La très chère était nue, et connaissant mes goûts, elle avait gardé ses bijoux. C'est-à-dire que chaussures au talon, bijoux, collier. Demain, tu porteras ça. Moi, je le prends au premier degré. Elle sera comme ça demain. Et la crise se met sur la pointe des pieds. Il regarde ça, donc il a comme une épure de ce qu'il voudra demain. Et elle tourne autour de lui et s'en va. Et on a une citation comme ça possible d'une espagnolade. Il n'y a aucune espagnolade dans le spectacle. J'aime trop l'Espagne pour le faire. Donc mais simplement, c'est comme il était dans la fascination de la fleur. C'est-à-dire qu'il la suit. Dans ce moment-là, il est sincère. Il est sincère. Et puis, quand elle disparaît, il dit « Ah, que tu connais mal le trompeur. » C'est-à-dire que dans le moment, j'ai envie de dire métaphoriquement l'intermittence, pour faire ça nous concerne, l'intermittence de sa sexualité, c'est-à-dire le côté interrompu de la sexualité masculine, c'est que dès que la consommation sera faite, la nature reviendra. Mais dans le moment du désir, j'aimais bien penser qu'il y ait une sincérité qui rend le personnage fascinant. Parce que au-delà de ça, il y en a deux qui couchent avec lui sans savoir que c'est lui, mais il y en a deux qui savent très bien que c'est lui. Alors, bien sûr, elles sont en situation presque de cuissage, hein, presque d'obligation sociale. Mais en tout cas, il y a une fascination qui s'exerce et je pense que cette fascination, elle passe par un désir qui est tellement violent qu'il provoque le désir. C'est-à-dire que, comme si un désir qui est un désir absolu ne pouvait rencontrer que la réciprocité désirante. C'est peut-être un peu utopique, mais en tout cas, on n'arrive pas, nous, en tout cas, à le faire jouer autrement qu'en se disant, à ce moment-là, il est fasciné, là, tout de suite. Nous, on a une variation. Moi, c'était un film culte pour moi. C'est Truffaut. L'homme qui aimait les femmes, ce pauvre type qui est à l'hôpital et qui même à l'hôpital se casse la gueule parce qu'il en peut plus de regarder une paire de jambes. Il est dans le moment où il regarde la paire de jambes où il tombe, c'est les plus belles jambes du monde. Et puis à l'instant d'après, il va se retourner sur une autre, il va se faire écraser par un autobus. Mais je veux dire, il y a dans le moment, il n'y a pas plus beau. Alors ça dépasse Don Juan en quelque sorte. Alors là, il y a autre chose hein, qui est peut-être une question plus complexe, hein, qui est le rapport du désir masculin et du désir féminin, de l'écho de la jouissance féminine et du caractère séquencé de la jouissance masculine, je ne sais pas. Mais en tout cas, Don Juan exprime beaucoup ça. Et qu'il y a une sorte d'inaccomplissement perpétuel chez l'homme, quoi, d'inaccomplissement, quoi, qui fait que on sait, il sait, qu'il aura un instinct de mal, il le sait. Et que, alors, soit il est bourgeois avec la fierté de l'être, alors là on sera dans un machisme, mais ça c'est plutôt Miguel de Manera, c'est-à-dire l'idée qu'on a une liste, puis on dit voilà, il le faisait lui, hein. Il lisait la liste, les mecs entendaient leur nom, et ils disaient voilà, cocu, et duel, et ça c'est Manera, ça c'est. Alors lui c'est encore un autre phénomène, vous savez, c'est cet espagnol qui a vu Don Juan, je crois, à 7 ans, Il l'a vu au théâtre, il a vu le Tirso de Molina, et il a décidé de vivre comme Don Juan. Miguel de Manera, il a vécu comme tel. Torero, séducteur, duelliste, et ensuite créateur des Hospices de la Charité de Séville, c'est-à-dire a fini dans une vie religieuse. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et moi, j'étais voir où il priait, parce qu'évidemment, il n'y a plus personne là-dedans. Personne ne va voir ce truc-là, sauf trois touristes paumés. C'est devenu un hospice de vieux. Et alors, le mec, il m'aimait bien, parce que je m'intéressais à lui, et il m'a dit, mais on va vous montrer où il priait, parce qu'eux, ils n'ont que le versant, ils n'ont que le versant curé. Alors, ils m'ont emmené dans là où il priait, et il y a tout, son truc, sa croix, son machin, et sous verre, son épée. Puisque sa vie est en... Alors, lui, il est dans la liste. Mais ce Don Juan-là, il n'est pas dans la liste. Il n'a pas un... C'est Catalinone qui dit, et de quatre. Mais lui, il n'est pas dans la liste. Il est dans le plein du moment. Donc voilà, hein, voilà pour répondre. Après, c'est très très difficile pour nous de comprendre, même de comprendre ce que c'est qu'un hidalgo. Ça, c'est vraiment difficile. Par contre, vous savez, plus rien vous dire à votre question, parce que si c'est dit que j'ai déjà compris ce que vous m'avez dit, c'est que deux relations, il y a une ambivalence et une ambiguïté. Une ambivalence, pardon ? Et une ambiguïté, c'est-à-dire que. Oui, oui. Oui, oui. La relation, vous dites de l'église, il est passé, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a un déplacement, ce qui est très intéressant, parce qu'on peut voir, effectivement, en Bourgeois, qu'il y a bien du ballon, mais si finit, on déplace la relation. La relation n'est jamais, en fait, à un seul niveau. Il y a du ballon, c'est parce qu'il y a des îles, même si après, il y a la satisfaction, bien le fait. Oui, bien sûr. C'est pour ça que ça peut découler sur la mélancolie, pardon. Il se ménage des zones de sincérité, inconsciemment. C'est ça qui est malin, puisque à chaque fois, il prépare sa sortie avant même d'être entré. C'est toujours le prélude à chaque femme est de dire à Catalinon, prépare les chevaux. Celle les chevaux. À chaque fois, quasiment. C'est malin. Donc, entre le moment où il entre et le moment où Catalinon a préparé les chevaux, lui a toute la latitude d'être sincère. Puisqu'il n'a rien d'autre à penser. Enfin, c'est facile. Non, la part du mythe, la richesse du mythe est aussi dans ce mystère-là. C'est-à-dire que dans ce consumérisme-là, dans lequel la fuite vaut autant que l'acte. C'est-à-dire qu'il faut se donner les conditions de la fuite. Comme si, s'il n'y avait pas la fuite, il y aurait quoi ? Et donc, c'est assez beau, quoi. Et puis, c'est pas les mêmes femmes. C'est assez curieux aussi l'évolution dans celle de Tirso de Molina, mais on ne l'a pas épuisé, nous, le sens de ça. Mais elles ne sont pas toutes pareilles. C'est-à-dire que Tisbé, c'est pas Amin. Tisbé fonctionne comme une allégorie théâtrale de l'orgueil. Exactement comme si on avait orgueil face à désir. Orgueil arrive, je vous emmerde, et désir bat orgueil, mange orgueil. Voilà. Ça fonctionne presque comme ça, comme schéma. Et à l'intérieur, il y a peu de choses, si ce n'est qu'on voit bien que la masse paysanne est incapable de révolte. Et qu'on est loin, enfin voilà. Or, le théâtre espagnol est un théâtre qui a beaucoup mis en scène des révoltes paysannes, près de Novejuna, par exemple, où on a des révoltes paysannes, enfin, réelles, quoi, violentes. Alors que là, non, c'est plutôt des gens qui sont partagés entre l'envie de révolte et puis la soumission, d'essence religieuse d'ailleurs, hein, elle a payé son orgueil. C'est sa faute, c'est elle. Alors, il y a ça. Alors qu'à Mainte, par exemple, à l'autre bout, c'est un père qui est d'accord pour vendre sa fille, et puis lui qui se joue le simulacre du mariage. C'est-à-dire, je vais m'inviter à votre table, c'est-à-dire, je vais jouer jusqu'au bout. Mais, on prépare les chevaux. Donc, c'est vrai que s'il n'a pas la fuite, il est fini, quoi. Donc, les deux sont... C'est très étrange, quoi. Et je pense qu'une partie du mythe vient d'irrésolution de ça, c'est-à-dire que c'est fascinant. Enfin, pour un homme, c'est facile. Femme aussi. Mais personnage complètement... L'aspect séduisant, en fait, ça nous c'est pas très intéressant. Que le mec, il soit un tombeur, ça fait ridicule, quoi. Ce qui est beau, c'est son urgence. C'est ça qui est fascinant. Vous voyez, sinon il fait vite ragard, quoi. Vous voyez ? Vous voyez, s'il est séduisant. Ça veut dire quoi ? Ce qui est beau, c'est que c'est dans l'homme qui aimait les femmes, par exemple. C'est-à-dire que le gars, il traverse la rue, il dit « faut que je vous parle ». Mais pourquoi s'il faut que je vous parle ? Mais il est tellement au premier degré de sa sincérité qu'on lui parle. C'est-à-dire que c'est des passes, quoi. voilà, je sais pas. Peut-être une dernière question ou remarque ou désir formulé. Bien. Vous devez avoir quoi, il doit y avoir plein de rhumes en ce moment. Merci beaucoup. Et. Merci. Merci à vous.